évidemment une PlayStation 4, un bateau Playmobil, un casque audio, une machine expresso, un chauffage, une paire de baskets, un ordinateur portable, un écran plat, un aspirateur robot, un multicuiseur. Profitez dès maintenant du Noël à volonté sur Cdiscount. Jusqu'à 50% d'économie et la livraison gratuite. Merci Cdiscount. Cdiscount, n'économisez pas votre plaisir. Voir conditions sur le site Cdiscount. Au fait, Antoine, c'est bon, j'ai mon rendez-vous. Ben, c'était facile, en fait. C'est pas vrai, c'est bien. Avec Sophie? Non, non, non. Ah, avec Marie, alors? Non, non plus. Attends, pas Céline, quand même. Mais non, chez Ford Service, et j'ai même eu 30 euros de remise. Mais comment t'as fait? Obtenir un rendez-vous en ligne n'a jamais été aussi facile chez Ford Service. Pour tous les clients Ford, profitez de 30 euros de remise exceptionnelle sur votre révision en réservant sur Ford.fr avec le code R30. Offre réservée aux particuliers jusqu'au 31 décembre 2018, voire conditions sur Ford.fr. Téléchargez l'appli Énergie gratuite, sans abonnement, avec tous vos hits préférés. Énergie, hit music only. Pas besoin de musique. Pas besoin de comédien. Bah oui, mais moi je viens de me taper 3 heures de route là. Oh, pas besoin de studio son non plus. On a juste besoin de dire aux professionnels, les faits parlent d'eux-mêmes. Avec le nouvel Opel Combo Cargo, élu véhicule utilitaire de l'année 2019, chargé facilement 2 palettes et 1 tonne de marchandises. Et on finit comment? Très simple. Pendant les journées Opel Pro du 26 novembre au 7 décembre, profitez d'un financement à taux 0 sur 36 mois sur le nouvel Opel Combo Cargo. Offre réservée aux professionnels, si acceptation par Opel Bank. Conditions sur opel.fr. Voilà. On ne choisit pas ses voisins. Il y a ceux qui jouent de la musique jusqu'au bout de la nuit. Ceux qui enchaînent les réunions de famille. Oh, je suis tellement content de venir à Barrec, une biloute. Et ceux qui s'invitent chez vous le soir de Noël. Je suis le Père Noël. On ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Ch'tite Famille sur OCS, Santa et Compagnie sur Canal+. Découvrez les offres Canal à partir de 19,90€ par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. La bonne idée bute pour les fêtes, vous offrir une cuisine moins chère. La pause, vous ne la payez pas. Rien. Zéro, quoi. En ce moment, chez But, la pose de votre cuisine est offerte. Oui, 0€. Et posée par des professionnels. La pose offerte? Joli cadeau de Noël. But, des prix et des idées tous les jours. Voir produits concernés et montant d'achat en magasin sur but.fr. Avec le service après-vente Peugeot, entretenez l'émotion. Les experts Peugeot vous accompagnent à chaque moment clé de la vie de votre véhicule. Pour son passage au contrôle technique, ils s'occupent de tout. Et pendant que votre véhicule est immobilisé, ils vous en prêtent un. Pour rester libre de vos mouvements. En ce moment, chez Peugeot, le pack contrôle technique avec pré-contrôle, contrôle technique et véhicule de remplacement est à 99€, quelle que soit la marque de votre véhicule. Prenez rendez-vous sur Peugeot.fr. Voir conditions en ligne. Claudio Capeo. Ta main, son nouveau single. Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, disponible dès le 7 décembre. Avec Conforama, Noël est plus beau. Quand vous n'avez qu'un seul cadeau pour faire l'unanimité, nous, on propose la télé connectée Samsung 138 cm Ultra HD à 699€. Et à ce prix-là, c'est toute la famille qui va en profiter. Conforama, jusqu'au 24 décembre, magasin ouvert dimanche, liste et conditions sur Conforama.fr. Bah, la prime de Noël chez Opel, je croyais que c'était une légende. Une reprise de 4 000€ minimum pour l'achat d'une Opel. Un compte de Noël, quoi. Et puis en fait, c'était vrai. J'ai raté l'offre. Bon, depuis je crois à tout, moi, le Père Noël, les lutins, les rennes qui volent, tout le bazar. Même la petite souris, j'y crois dans le doute. Eh ben répétez-le pas, hein. Le Père Noël existe bien. Jusqu'au 24 décembre, bénéficiez d'une prime de Noël Opel de 4 000€ pour la reprise de votre véhicule et l'achat d'une Opel neuve en stock identifié. Offre non cumulable réservée aux particuliers, conditions sur Opel.fr. Aujourd'hui... Sur Énergie. On est en live sur Énergie, est-ce que tout le monde est là? Nous avons changé d'endroit, bienvenue si vous venez d'arriver. On a changé de notre grand studio, on est monté, pas fait non plus 2 km, on est monté juste au-dessus avec du public qui est partout devant et on va se faire un mini live et on va se faire la fin de l'émission avec 2 titres de Soprano. Et ensuite ça va continuer je crois sur Énergie.fr, ça va continuer sur les applis, il y a quoi? Il y a l'appli Énergie, il y a tout quoi, la totale, merci de m'aider tous. Il y a quoi Stouf? Et YouTube aussi. D'accord, il y a tout le monde. Tout ce qui a marqué Énergie. Et tout ce qui a marqué Énergie, qui a parlé? C'est moi, tout ce qui a marqué Énergie. Ah, c'est toi qui a parlé. Viens mon Sopra, faites du bruit pour Soprano, pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, qui est avec nous. J'ai une très bonne et une moins bonne nouvelle. La très bonne nouvelle, écoute quoi. Très bonne nouvelle, tu vas chanter. Ah, ça c'est magnifique ça. Ah, moins bonne nouvelle, deux partout pour Nantes-Marseille. Alors, je sais pas si vous le voyez, mais là, juste en bas, là, il y a quelqu'un qui me regarde, il s'appelle Miko. Viens voir. Je sais pas s'il me porte la poisse ou il voilà, il a un super maillot. Ah ouais. Je sais pas s'il me porte la poisse ou en fait c'est bien. Non mais c'est bien. C'est pas fini. Qu'est-ce qu'on va se faire, mon Sopra? Alors, tu portes bonheur. Merci beaucoup, Miko. T'as plus de DJ, je te signale. Ton DJ n'est plus là. C'est pas, il est là, il est dans les parages. Allez. Mais juste comme tu es DJ, il veut, voilà. Faut monter le son, on me dit. Faut monter le son. Est-ce que vous nous entendez tous bien? Oui, ça va. Sur okay. Énergie, tout le monde nous entend, c'est le principal. Alors, c'est nickel. T'es prêt? C'est moi qui envoie. C'est Vas-y. Moi qui donne le coup d'envoi. Tu donnes le coup d'envoi? C'est quoi ça? Comme coup d'envoi, ça? Bah, c'est un coup d'envoi, je remix. C'est un coup d'envoi Miko et David Guetta. Okay. T'es en train de refaire comme avec Big Flo et Oli, le DJ le plus pourri. Oui. Et je prépare l'habillage de Big Flo et Oli pour l'émission du 15. Je te préviens. Faites du bruit pour Soprano! Est-ce que ça va? Alors on va essayer de faire ça tranquille, on y va ensemble. Ma maman m'a dit la vie n'est pas facile, mais plus facile avec un grand sourire. Donc je souris quand j'ai mal à la vie, car ma maman m'a dit qu'il y a toujours plus maudit. Elle m'a dit donne sans attendre merci, vis ta vie comme une jeunesse infinie. Tends toujours la main aux plus démunis, avant d'être important sois un homme utile. M'a dit aussi qu'ici tout est fragile, si tout s'écroule tu reconstruis, c'est comme ça la vie. Oui combien de douleurs indélébiles, combien au paradis. On vit avec cette mélancolie, c'est comme ça la vie. Maman m'a dit lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai. Danse danse à la vie à l'amour. Lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai. Je veux vous entendre chanter tout le monde. Danse danse à la vie à l'amour. Lai lai lai lai la la. Jamais oublié d'où je venais, mais surtout qui j'étais. On avait peu, mais on savait donner. Elle m'a toujours dit chez nous, l'accueil est inné. Sois ce que tu es, te laisse pas colorier. Beaucoup sont morts pour cette liberté. Ne te fais pas marcher sur les pieds. Ne te fais pas marcher sur les pieds. Ma maman m'a dit le monde, il est fêlé. J'aime plus avec ton humanité. C'est comme ça la vie. Oui, offre le monde à ta moitié et à tes héritiers. Offre ta vie entière à les aimer. C'est comme ça la vie. Maman m'a dit lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai. Danse danse à la vie à l'amour. Lai lai lai lai la la lai lai lai lai lai la la lai. Et je veux vous entendre chanter, on y va tous ensemble. Lai lai lai lai. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie à l'amour. Maman donne meilleur conseil que la nuit. Maman donne meilleur conseil que la nuit. J'ai dit maman donne meilleur conseil que la nuit à la vie à l'amour. Donc danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, danse, à la vie à l'amour. Danse, danse, danse, danse, danse, danse. Tout le monde est prêt, on l'air et on y va ensemble, on y va. Merci. Sur Énergie, l'émission, on va continuer, on va s'en refaire un, puis après on continuera juste pour le Facebook Live, etc., etc. Yes. Ça va toi? Ça va toi? T'es en forme, tout va bien. On se fait quoi en deuxième? C'est toi qui choisis, qu'est-ce que tu veux? C'est quoi le deuxième? J'ai envie de faire danser un peu latino, latino. Ouais, ouais, ouais. Un peu latino, un peu latino. Ouais, ouais, hein? j'ai un petit truc pour latino un peu? Après, après! Calme-toi, en feu, c'est pas latino, enfin. Un truc latino. J'ai un petit zoom si tu veux. Est-ce que vas-y. Tu veux un petit zoom? Vas-y. Est-ce que vous êtes prêts à zoomer avec moi ou pas? On va faire une grosse dédicace à monsieur Niska, avec monsieur DJ Coco, monsieur Mej, il y a monsieur Diego. Est-ce que vous êtes là, énergie? Yeah, je suis toujours resté le même, je suis toujours resté le même. Ah ouais, ah ouais. Oui, je suis toujours resté franc comme ma première sassée. Ah ouais, ah ouais. Maintenant, au-dessus de la mêlée, je ne sais pas m'arrêter, je sais que je devrais en laisser, mais bon, je ne sais que le dresser, car j'ai ça dans la DL. Ah ouais, ah ouais. Je peux faire autrement, je ne sais pas faire doucement. Nanana, nanana. Je les entends me tailler, normal, on taille que les diamants. Nanana, nanana. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées, mais que t'es retourné à la Gareth Bale. Ah ouais, ah ouais. Les dafes et les baffes leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zou zou zou, comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Sampia. Méchant, méchant, méchant, méchant. On vient rentrer dans la Leyenda. Tout le monde est prêt en l'air avec nous, comme ça on y va. Assez. Ah ouais, ah ouais. Me demande pas le juste prix. Le bail c'est de la frappe, tu paies. Ah ouais, ah ouais. Evry c'est méchant, méchant, méchant comme Marseille ou Chicago. Plata ou plomo. Tous les jours je vais péter le magot. J'ai toujours un flic dans la wagon. Bye bye, bye. Chiant, fita, fixo, bras toi, t'es dans l'ombre. La cité, la cité. Chiant, quand les flics ont pas, on a dit mon nom. La cité, la cité. Toto, Rina, c'est pequeño. Tout Brasilia. Fodes, carré, pobre, chico, cocaïna. Ah, ah, ah, jamais on trahira la Honda. S'il vous plaît, zou zou zou, comme Diego dans la Bombonera, comme Savastano dans la Scampia. Méchant, méchant, méchant, méchant. On vient rentrer dans la Leyenda. 1, 2, 3, on y va tous ensemble. Zou zou zou, comme Diego dans la Bombonera, Diego Maradona, comme Savastano dans la Scampia. Savastano là là, on vient rentrer dans la Leyenda. Sopra Mbaba, sopra, sopra Mbaba. Et c'est la zone qui a fait Charou et Mbaba. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et c'est la zone qui a fait Charou et Mbaba. Et c'est la zone qui a fait Charou et Mbaba. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Et merci la zone. Jamais on trahira la Honda. Jamais, jamais, jamais. Pour de l'oseille ou bien des nanas. Jamais, jamais, jamais. Jamais on trahira la Honda. Yeah. Diego, viens relevant. Zou, zou, zou. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la Leyenda. Tout le monde, tout le monde. Merci Coco. Et merci Coco. Et merci Coco. Et merci Coco. Et merci Coco. Et merci Mzaté. Et merci Coco. Merci beaucoup. Live de Soprano sur Énergie. On vous souhaite une belle soirée. Vous qui êtes chez vous à la maison, on vous embrasse fort. Maintenant, ça va prendre le relais sur les chaînes YouTube, sur l'appli Énergie et tout, et tout, et tout. Vous allez voir énergie. Toutes les images. Le public, vous énergie. Restez là. Vous restez là. Énergie. Ouais, il bouge pas. Quoi, énergie.fr? Je l'ai dit 10 fois, énergie.fr. Je vais te le chanter. Énergie.fr! Voilà, c'est tout. Et il y a tout. Et en gros, sur l'appli Énergie, on vous embrasse tous. On vous souhaite une belle soirée. On vous laisse avec toute l'équipe du Rico Show. Vous êtes là-haut, vous m'entendez? Ça va, Koé? Ça va, Sopra? Rico! Ça va, mon Sopra? Salut. Comment ça va, toute l'équipe? Écoute, ça salut. Va. On est ravis. Sopra, c'est vraiment le meilleur. Ah ouais. Putain. Merci, les amis. Ça me touche. Merci beaucoup. C'est merci. Fort, hein, mais c'est dingue. Et puis, Koé, oui. Mon petit poulet, ça se voit que ça fait un petit moment que t'as quitté la Picardie. Pourquoi? Parce qu'on fait les chiffres concernant la région qui a le plus de partenaires. Et puis comme c'est la plus faible, ça se sent, hein. Et c'est pour ça que je l'ai quitté. Je vous embrasse les amis, bisous. Bonne soirée. Bisous Sandra, ciao, bisous Niska. Ciao. Salut tout le monde. Ciao. Koé revient demain sur Énergie. Salut à tous, je m'appelle Aymeric Bonnery, mon surnom c'est Rico et Sopra il chante l'amour, c'est vrai, on adore ça. Alors ce soir les amis, c'est promis, on fait une spéciale autour de l'amour. Je vous explique, on va avoir une demande en mariage durant l'émission jusqu'à 23h. Il va y avoir deux proches qui vont tenter de se retrouver. Il y a un garçon qui veut retrouver sa meuf. Vous allez voir, ça va être énorme. On va se faire aussi ce que je disais à Koé, c'est-à-dire que ça y est, on a les chiffres région par région qui a le plus de partenaires. Wow. Vous allez voir que Sarah qui est parisienne n'est pas fidèle au poste. Ça va Sarah? Bonsoir à tous, vive Paris d'ailleurs, hein. Ah oui, vive et Paris le bled, et le bled, c'est surtout vrai. Et le bled ne fait pas partie évidemment de ma carte. La Franche-Comté, si, ça va Sylvain? Eh ben écoute, en pleine forme, hey. Je parlais d'amour ce soir, Tinder. Tu reçois ta prétendante dans une demi-heure chez toi. Et je crois que ce soir on va parler Noël. Ah ben c'est Noël et ça va être spécial boule et guirlande. Oh là là, on va se régaler. Vous allez voir, il est Père Noël la journée et le soir il reçoit son date. Ça va JM? Écoute, ça va, moi je viens d'entendre Sopra, je suis à fond, je suis au taquet, oh là là. Alors vas-y. D'ailleurs la région PACA, je vous le dis, est en haut de tous mes classements. Ah, ah bon? Ah oui, alors là ça y va, on va parler du sexe et des Français pour démarrer. Croyez-moi, parti, hein. Ah oui. Toi t'aurais dû y rester. Ah ouais. Mais tu vas voir que t'es pas mal tombé ici sur Paris, j'ai pas mal de chiffres. À votre avis, quelle région est la plus connue pour les câlins, Sylvain? Moi je pense que c'est le Nord. Ouais. Bah tu sais, il fait froid là-bas. Ouais. Et je pense que ils ont besoin de se réchauffer un petit peu, quoi. Alors Picardie et Nord-Pas-de-Calais, c'est les plus faibles au niveau du nombre de partenaires. C'est-à-dire qu'ils ont posé des questions aux habitants, ils ont eu moins de 8 partenaires dans leur vie. Ah ouais? Hein, ouais. Donc c'est les plus faibles. C'est vous dire, comme dans certaines régions c'est chaud, Sarah. En vrai, je vais aller déménager là-bas, moi. Ouais. Je correspond aux critères. Peut-être que ton mec va s'assagir. Voilà. Tu seras plus obligé de faire des câlins. On en parle. Drake, Bad Bunny sur Énergie. On est là jusqu'à 23h. Il y a du très très lourd. Yeah. Todos están pendientes a ti. Pero tú puesta pa' mí. Haciendo que me odien más. Porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Yeah, yeah. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, yeah. Contigo veo todo como en espiral, yeah. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar, tus ojos me concentran como Adderall, contigo me sube el overall, yeah. Te toco y hasta el mundo deja de guiar. Para nosotros ni la muerte nos va a separar, yeah. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas, que dejen de tirarte, brr, que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo, pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Ya me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Quiero esta noche entera, pa' recortar los tiempos en la escalera. Dile que ya no soy cualquiera. Ce soir, le Rico Show n'est qu'amour. Sexe, amour, couple, séduction, réconciliation, émotion, ils sont tous là dans le Rico Show. Sur Énergie. Eh oui les amis, il va y avoir de la réconciliation en vue, histoire poignante, franchement, qui m'a filé les frissons. On a un copain du Rico Show qui va retrouver sa meuf. On aura une demande en mariage, Sylvain, dans 20 minutes, qui va accueillir sa partenaire. Ah. Eh oui, à domicile, et elle découvrira à la télévision qu'elle est recherchée. Et puis on se pose la question, vous le savez, de quelle est la région la plus chaude de France. Alors est-ce que c'est JM et le PACA? Eh oui, évidemment. Est-ce que c'est Sylvain et sa Franche-Comté? Est-ce que c'est Sarah la Parisienne? Yes. Ou est-ce que c'est ma région d'origine, puisque moi je suis Occitanie, Midi-Pyrénées, voilà, je suis un petit peu des deux, j'embrasse mes parents qui ont l'accent du sud chaudement, que j'aime très fort, et j'adore cette région, même si j'y ai que très peu habité. Alors les amis, la question est en place, je vous le dis, alors, au niveau du plus grand nombre de câlins, ça se joue entre Paris. Plus de 12 partenaires, et évidemment la région PACA. Et voilà, et là, ainsi que la région Languedoc, hein, Montpellier. Hein, oui. Montpellier, Marseille, Nice, et puis Paris. Vraiment, cette triptyque marche très très bien. Merci, monsieur Météo. Merci. Là, c'est forcé Tobofus, hein, je peux vous dire. Grand soleil sur la touffe du côté de la salade niçoise. Vraiment, ça y va. La Franche-Comté, mon Sylvain. Non, mais Sarah, elle doit avoir du sang nordique. Hein. Ah oui. Tu t'es posé des questions avec mais, ton père Pas du tout. Non, mais attends, on parle que de partenaires sexuels ou alors de. Du nombre de partenaires. Bah attends, mais c'est normal, à Paris on est chaud, il y a du mouvement. Vous, dans vos campagnes, c'est vrai qu'on s'ennuie un peu, donc il y a pas beaucoup de partenaires. Oh, non, mais c'est vrai. Se calme, la Franche-Comté, il y a un micro-climat chez moi. Je peux te dire. Il y a une tornade. Ça y va dans la Franche-Comté. Ah ouais. Mais d'ailleurs, tu leur manques. Hein, la moyenne a chuté depuis que tu n'es plus là. Alors, les amis, j'ai aussi un indicateur très fort. Alors. C'est l'indicateur des sites coquins qu'on a consultés. Ah ouais. Ça, c'est assez fort pour savoir l'intérêt qu'on a pour le sexe. Puisque le nombre de partenaires, c'est vrai, comme le dit Sarah, s'il y a moins de monde chez vous. Oui, par définition, vous trouvez moins de chaussures à enfiler aux pieds. Et on va plus sur les sites. Évidemment, et du coup, on va plus sur les sites, mais vous allez voir que vous avez beau avoir le plus de partenaires, souvent vous consultez aussi plus les sites. On va accueillir Patrick de Toulouse. Ça va, Patrick? Salut Rico, salut l'équipe, ça va? Salut Patrick. Bah, écoute, ça va mon Patrick, sache que ta région. Ça va. Puisque toi, t'es Toulousain, hein, Midi-Pyr. Ouais. Patrick, ça y va, c'est chaud. D'ailleurs, je vous le dis, au niveau de la consultation des sites coquins, Patrick, t'es comment toi? Ça consulte fréquemment? Ah bah oui, il faut bien. Hein. Ah ouais. Lumière sur Toulouse, ça tourne vachement, il y a beaucoup de monde, donc tu trouves toujours. Ah ouais, ah bah, je vais te dire Patrick, là c'est coupé en deux. C'est-à-dire que le Nord, vous consultez par habitant une fois, je vous le dis, les sites coquins par mois, alors que dans le Sud, c'est jusqu'à deux fois par mois. Donc vraiment, il y a la carte qui est coupée en deux. Dans le Sud, c'est vous énorme. Êtes deux fois plus chaud que dans le Nord. Tout le reste, ils n'ont pas Internet, c'est pas possible, c'est pas que deux fois par mois, franchement. Je te jure, attention, il y a les femmes, il y a les enfants, tout le monde est compté, hein, c'est par nombre d'habitants. Je croyais que c'était que les hommes. Je me doute bien que tu vas 30 fois dans le Nord. Oui, quand même. Mais Patrick, c'est vrai, tu sens que c'est plus chaud dans le Sud que là-haut, toi qui a fait quelques voyages, mon Patrick, de Toulouse? Ah bah bien sûr, les gens sont contents de venir ici, ils sont heureux, bilan, ils cherchent. Bah ils cherchent, hein, la saucisse c'est bien à Toulouse. Hein. On voit bien, puis toi qui es de la région, tu sais, t'as la place Saint-Pierre, ou bon, il y a la fête quoi, tout le temps. C'est vrai, on se croise au Capitole, on boit un coup, on est bien. Non mais au-delà de ça, surtout dans le sud, les nanas elles sont un petit peu chaudes, en mini-jupe il fait chaud, le climat est chaud, donc forcément t'as envie. Oh là là, c'est beau ça. Les gens sont bronzés, les gens sont heureux, ils sont beaux, ils sont frais. Ouais, tu penses Patrick, ça joue le soleil, la chaleur, est-ce que tout simplement les gens ne se parlent pas plus dans le sud, tout simplement. Ici je dis bonjour à un mec dans la rue, le gars il me regarde, il veut m'amener au garde à vue. On est d'accord. Des fois j'arrive. Dans le métro à Paris, limite tu l'agresses quoi. Mais c'est vrai, Patrick, je te jure, dans la rue, des fois il y a un gars qui me regarde, je lui dis bonjour, le gars me regarde, tu sais, si j'avais une plaque au cul, il prendrait le numéro. Ou là je relève, celui-là je le relève. Alors que non, mais dans le sud, le thermomètre il a 37,5 forcément. Ah ouais, ils ont tout chaud. Hein. Ah, ils ont tout chaud. Merci, hein. Ah, merci Sylvain de cette intervention. 37,5 c'est la température d'ailleurs, je sais. Il est con celui-là. Donc voilà, et au classement, puisqu'il y a eu pas mal de choses et d'éléments pour savoir la région la plus chaude, eh bien les amis, sachez que elle est là, c'est l'Île-de-France. L'Île-de-France, c'est-à-dire vous consultez le plus de sites coquins, vous avez le plus de sex shop, vous avez le plus de relations, bref, vous avez le plus de tout au niveau sexe, ça y va. Et oui, il y a de la tentation et surtout les sex shop comme t'as dit. On sent que tu vas pas beaucoup. C'est la chaleur de Paris, les gars. Vous sentez. Non, mais c'est vrai qu'à Paris, il y a plus de tentations en tout cas. C'est vrai. Derrière, c'est l'Occitanie et donc Toulouse, comme mon Patrick. Et puis en dernière position, c'est la Normandie. Ah ouais. Apparemment, la Normandie, c'est la ceinture. Hein. Mais oui, mais c'est normal. Mais il y a que des personnes âgées, Deauville et tout. Non. Mais je te jure, c'est vrai. Arrête. Mais si. Orelsan, il vient de Normandie. Mais regarde, la personne est très sympa. Mais voilà. Oh non, les Normands. Et le trou normand, c'est quoi alors? Ça, c'est autre chose. Patrick, c'est quoi ce fameux trou normand? Mince. Je peux pas te dire, c'est trop tôt encore. Ouais, c'est vrai que c'est très tôt. Non, mais c'est vrai. En tout cas, c'était très marrant de faire tous ces chiffres. Les plus chauds sont donc à Paris, les moins chauds en Normandie. Et puis après, évidemment, tout ce qui est Rhône-Alpes, PACA et Nouvelle-Aquitaine, et donc tout ce qui est Bordeaux, Marseille, Lyon, ça chauffe bien, bien comme il faut. Avec Toulouse, vous avez le sang chaud. Merci, Patrick. Hein. J'ai vu que t'avais le sang chaud. On va te faire un petit cadeau, Patrick. Je t'embrasse. Merci, à la plus. Bisous, Patrick. Le Tinder de la peur arrive. Mon Sylvain, tu vas accueillir une prétendante chez toi. Ouais. On va allumer la télé et elle verra que t'es recherché. Comment elle s'appelle, le profil, on veut tout savoir. Eh ben écoute, elle s'appelle Émilie. Ouais. C'est une petite parisienne. D'accord. Je crois qu'elle est du 15e ou voilà. D'accord. Brune. Ouais. Plutôt jolie. Plutôt jolie. Très très jolie même. D'accord. Et donc voilà, je suis impatient de la voir. Vous êtes bien chauffé ou pas? Ah ben là, ça fait deux jours qu'on est comme des dingues. D'accord. Ça va être énorme. Toutes les news de la journée, une demande en mariage et on tentera de réconcilier deux amoureux. Bref, que du kiff sur Énergie. Et là, on se fait les annonces de Rico. C'est tout de suite, c'est maintenant. Vous adorez. On reconstitue une enquête en appelant quelqu'un qui vend un objet, puisque a priori, l'objet aurait contribué à un meurtre. Eh oui, la tour arrive. Salut, c'est Soprano sur Énergie. Je vous invite, vous les auditeurs de Énergie, pour une Énergie Live session chez moi à Marseille. On va se faire un petit showcase à la cool, à la bière, un petit comité. Ah, c'est trop bien! Gagnez vos places maintenant sur énergie.fr. Mission Impossible Fallout en Blu-ray DVD. Allez, allez, allez, allez, allez. Un film d'action intense et explosif avec Tom Cruise. Mais qu'est-ce qu'il fait? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Mission Impossible Fallout maintenant Blu-ray DVD et VOD. Avec Énergie. La bonne idée débute pour que les fêtes riment avec économie. Moins 90 euros sur une télé. Eh oui. Le Sweet Noël continue chez But. En ce moment, la télé Aya 100 cm passe de 289,99 à 199,99 €. Sweet Noël, doux Noël. Limité à 1512 pièces. On ne choisit pas ses voisins. Il y a ceux qui jouent de la musique jusqu'au bout de la nuit. Ceux qui enchaînent les réunions de famille. Oh, je suis tellement content de venir à Barrec, une biloute. Et ceux qui s'invitent chez vous le soir de Noël. Je suis le Père Noël. On ne choisit pas ses voisins. Mais avec Canal, on peut choisir de profiter du meilleur du cinéma et des séries à tout moment sur MyCanal. Ce Noël, retrouvez Coco sur Disney Cinéma, La Petite Famille sur OCS, Santa et Compagnie sur Canal+. Découvrez les offres Canal à partir de 19,90 € par mois sans engagement. Abonnement via PC, Mac, tablette, smartphone, conditions sur boutique.canal.fr. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sortie. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. Claudio Capeo, Ta main, son nouveau single. Son nouvel album, Tant que rien ne m'arrête, disponible dès le 7 décembre. Nouveau cycle, Chérie 25. Chaque jeudi, Chérie 25 met à l'honneur Cameron Diaz. Une icône glamour et populaire. Une femme merveilleuse. Pétillante et attachante. J'avais pas envie d'être seule hier soir. L'actrice est la star des comédies américaines. Un vrai rayon de soleil pour vos soirées d'automne. Chaque jeudi, Chérie 25 vous fait découvrir ses multiples talents. Demain, Inner Shoes, à 20h55 sur Chérie 25. Chérie 25, tous les soirs un film. Bien, faut-il payer cher un forfait qu'on utilise peu? Vous avez 2 heures. Chez Free, le forfait mobile avec 2 heures d'appel et SMS illimité est à seulement 2 € par mois. Et 0 € par mois pour les abonnés Freebox. Offre soumise à condition. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre. Au cinéma. Everything's been so messed up here lately. Pretty sure he don't wanna be my baby. Everything's gonna be alright. Everything's gonna be just fine. It's gonna be a good, good. Les amis, on vous attend. 0870 70 42 48. Les news de la journée arrivent et vous allez voir qu'on va enfin pouvoir comprendre Sylvain le tombeur. Hein, qui a une nouvelle application très sérieuse hein, que vous connaissez tous. Oui, oui, c'est un petit peu ça. C'est exactement ça, mon JM. Mais c'est vrai. C'est vrai. Sylvain est en pleine forme puisque dans une demi-heure, même pas 20 minutes, il va accueillir sa prétendante chez lui. Elle découvrira eh bien, la télé qu'il est recherché. On va se faire plein de kiff. Il va y avoir une demande en mariage. On va réconcilier des gens. J'ai piégé Sylvain avec Zao, vous allez voir, vous saviez qu'elle était là hier. Ouais, on a que du lourd. Mais Sarah, c'est l'heure du canut. Yes, et cet après-midi, en fait, j'ai trouvé un lot de casseroles en cuivre à vendre sur le Bon Coin. J'ai appelé la dame et je lui ai dit que l'officier Latour allait l'appeler pour reconstituer téléphoniquement une scène de crime mêlant sa casserole. En fait, la nana croit que son lot de casseroles est suspect, tu vois. D'accord. Donc elle attend ton coup de fil, officier Latour. Très bien. Eh bien, on va reconstituer la scène pour s'assurer qu'elle n'est pas impliquée hein, dans cette triste histoire de casserole. On y va, c'est parti. C'est le canut derrière les news et Sylvain. Tout le monde est en danger. C'est l'heure du canular, le canular du jour sur Énergie. Allô ? Oui, bonjour madame. Monsieur Latour à l'appareil. Je suis officier de police judiciaire, bonsoir. Comment allez-vous ? Ben, je vais bien, mais je trouve quand même un peu bizarre. On m'appelle masqué, la police, non ? Ben, écoutez, c'est le commissariat, madame. Bon, c'est sûr ? Oui, c'est sûr. C'est pas une annonce, enfin un appel d'arnaque ? Non, pas du tout. Alors vous allez le voir tout de suite. Moi, je vous demande rien, madame. J'ai besoin juste de vos casseroles. Est-ce que vous les avez avec vous ? Ouais. Vous allez-y, tapez et dites « J'aurai ta peau ». Allez-y. J'aurai ta peau si tu continues. Continue de faire le fier, je vais t'assommer. Continue de faire le pitre, je vais t'assommer. Le fier. Ta soupe est dégueulasse, Jean-Gérard. Et puis vous tapez. Vous croyez pas que c'est de la connerie, ça ? Non, du tout. Allez-y, madame, je suis en train de vérifier que vous n'êtes pas inculpé dans cette affaire. Allez-y. Je préférais manger du fumier que ta soupe, Jean-Gérard. Ouais, bon, écoutez, il y a mon mari qui est là, il est pas content, il veut plus que je continue. Bah, dites à votre mari de cesser, là. On est en train de faire une enquête. Bon, c'est tout, il est parti avec les casseroles, il est parti les ranger. Bah, dites-moi en criant, je t'ai jamais fait cocu, Jean-Gérard, jamais. Je t'ai jamais fait cocu, Jean-Gérard. Ça, c'est promis, Jean-Gérard. Eh, c'est pour une... C'est pour une séance de théâtre ou quoi, ça ? Non, il faut vraiment le dire. Allez-y. Bon, je sais même plus ce que vous m'avez dit. Hein. Jean-Gérard, je vais te bouffer le cou. Tu m'as jamais bouffé le cul, Jean-Gérard. Mais c'est des gens extrêmement vulgaires. C'est le cou, pas le cul. Bon, est-ce que vous avez des couverts ? Allez me chercher les couverts. Oh non, c'est tout. Allez. Terminé. Je ne veux pas rentrer dans votre jeu, là. Non, mais madame, on est en pleine enquête, là. On bosse. Bonne soirée. Et puis, écoutez, si vous voulez quelque chose, vous viendrez me voir. Dernière phrase avant de se quitter. Je vais faire tes couilles en rognon. Allez-y. Je vais faire tes couilles en rognon. Voilà. Allez, madame, salut. Madame.

Salut Rico, salut l'équipe, ça va et vous? Ça va, écoute, on est en pleine forme, ma Liliane, et j'ai une innovation qui va te faire du bien et du bien à tout le monde. Ah, il faut que je t'en parle. Ah oui, oui, non mais c'est énorme le DOS, les amis, les news démarrent, et sachez que ça y est, Skype s'y met, bientôt ils vont traduire et sous-titrer en temps réel ce que dit la personne en face de vous. Donc vous êtes, voilà, vous êtes sourd, vous voyez évidemment ce que la personne veut vous dire. Si une personne parle en chinois et vous en anglais, eh bien ça traduit dans les langues respectives de chacun, et ça facilite le dialogue. C'est bien, c'est au restaurant asiatique, parce que c'est vrai, des fois, les types, ils ont des accents, ils comprennent pas trop. C'est juste au moment de l'addition, d'un coup, ça fait 80 euros, il n'y a plus l'accent. C'est vrai. C'est vrai, ils te prennent la commande en B12, par contre, derrière, ils te savent de dire 148 euros. C'est fort, non, mais c'est vrai. Sylvain, toi, mon poulet, c'est cool, il faudrait que ça existe en radio. Ah ouais, déjà en radio. Ça permettrait à Liliane de te comprendre un peu mieux de temps en temps, et elle serait ravie, n'est-ce pas, Liliane? Ah oui, tout à fait, oui. Surtout que mon mari, il parle de boxe. Hein. Alors, oui, c'est vrai, il parle de. Ah ouais, il est dans la boxe. Ah, c'est lourd. Ouais, il est fan, alors. Ah ouais, d'accord. Ah, c'est fort. Alors, quand il parle de boxe, je suis là, mais je comprends rien ce que tu dis. Il parle en chinois, c'est pareil. Hein. Mais est-ce que, du coup, quand il parle, est-ce qu'il a des problèmes de diction? Puisque Sylvain, qui est sportif, tu vois, il fait du sport de combat, il dit que c'est les coups qu'il a reçus dans la tête. Est-ce que ton mari parle correctement, Liliane? Oui, tout à fait. Ah, bah voilà, c'est du loisir. C'est du loisir. Un prétexte. Arrête de mettre ça sur les sports de combat. Là, tu dis, fais du loisir. C'est pour ça qu'il s'est pas fait assez démonter la gueule. Il est fou, ce mec, Sarah. Non, moi, j'aime rien pour les personnes un peu bourrées, tu sais. Moi, je ne comprends pas quand je vais en soirée avec mes potes. Ouais. Je ne comprends rien. Tu mettrais un filtre soirée. C'est ça. Non, mais ce serait énorme. Tiens, d'ailleurs, qui dit alcool dit poids. Les amis. Oui, et du coup, j'ai l'astuce pour vous tous pour avoir un corps de rêve. Non, mais c'est pas une vanne. 4 minutes par jour, il s'agit de faire quelque chose de spécial. Ah. Est-ce que vous avez des idées, JM? Les pompes, évidemment. Les pompes, c'est pas les pompes. Ah ouais, mais c'est vrai, 4 minutes par jour. Sarah. Je te vois venir, l'amour. L'amour, non. Oh, là. Ah oui. Sarah, 4 sinon, minutes, ça te concerne. Arrête, sinon, tu serais obèse. Hein. Ça fait longtemps que tu n'as pas fait l'amour. Liliane, à ton avis, qu'est-ce qu'il faut faire 4 minutes par jour? Est-ce que tu as une idée? Des abdos, des. Non. Non. Haricot, la corde à sauter. La corde à sauter. Non, continue de sauter. C'est marrant. Sans corde. Sans corde. Sylvain. Non, tu t'enroules sous la couette et tu mets le chauffage à fond. Tu mets le chauffage à fond. Ouais. Ah, c'est bien. Là, c'est ton compte qui fond. Avec le prix de l'EDF, mon pote, je vais te dire que là, tu vas fondre comme neige au soleil. C'est mieux que ça, les amis. Je vous explique. Ça commence par une activité de 10 secondes le premier jour, 20 secondes le deuxième, et ainsi de suite. Vous augmentez 10 secondes par jour. En 30 jours, vous avez un corps de rêve. C'est tombé, c'est prouvé. On en parle, les amis. Aya Nakamura. Ah oui. Et puis Sylvain, Tinder arrive. Hein. C'est pour devenir la plus bonne de tes copines. C'est un peu ça. On est dans le thème. Il m'a dit t'es où, je te rejoins tel. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Il a vu mes copines, je crois qu'il a flashé. Je suis pas tout plan bête, à ma telle fessée. Je réponds à tes appels, tu crois que je vais la fesser. Moi je m'en bats les reins, j'ai besoin d'un vrai job. Trop tard, trop tard, je suis trop loin. Bombarder, bombarder. a lui aussi son JT. C'est les news de Rico sur Énergie. Eh oui les amis, on est au cœur d'une spéciale amour. On aura un mariage, Sylvain qui va accueillir sa prétendante là. On va kiffer. Ce sera dans 10 minutes le mariage, la demande. Hein. C'est pas Sylvain qui se marie. Je suis déjà dans l'idée que ça va se faire. Liliane a fait le 0870 42 48 et il est temps, ma Liliane, que je te révèle comment on peut avoir un corps de rêve et que je vous révèle ça. Les amis, il paraît qu'il suffit de faire la planche. Alors je me suis renseigné. C'est la chaise. Vous savez, quand vous êtes dos au mur, vous baissez bien les cuisses, ça brûle de partout. Alors au début vous avez pas le niveau, vous faites 10 secondes, 20 secondes, 30 secondes, 40 secondes, 50 secondes, etc. Vous avez, c'est très chiffré. Vous regardez sur internet la chaise, et puis ça vous permet d'avoir un corps de rêve parce qu'apparemment ça tonifie tous vos muscles. Mais c'est pas des conneries, hein. Mais c'est très très fort. Et j'ai moi-même passé un coup de fil à une personne qui a fait ça, à un ami qui m'a dit que ça marche très très bien, surtout sur les filles. Il est coach de sport, il me dit que ça marche bien sur les filles. Vous avez la morphologie pour tonifier tout ça en faisant la chaise. À Marseille, nous on le fait, mais avec une chaise longue, tu vois. Je l'ai bien pour un apéro. C'est vrai, et c'est plus du tout pareil, du coup les gars sont flasques. Non mais c'est fort, Liliane, est-ce que tu vas essayer la chaise? Non, j'ai déjà 3 enfants, ça me suffit. Ouais. Je vais te dire, bien là on y est. Sarah, par contre, t'en as qu'un. Non mais moi je vais essayer la table, ça ira mieux. Ouais, la table, allonge-toi dessus, ça te fera du bien. Et en parlant de ça, les amis, j'ai regardé du coup, parce que vous savez, vous avez des petits articles qui sont liés au poids, etc. Et il y a un mec, c'est pas une vanne, c'est ouf, il fallait que je vous en parle. Ouais. Il pensait être obèse, et en fait, il avait une tumeur de 35 kilos dans le ventre. Oh. Ouais, ouais, ouais. Et lui, il pensait avoir le petit ventre de la bière, tu vois. Et en fait, non, il avait une tumeur, il lui a enlevé, tout va bien, mais une tumeur de 35 kilos. Ah, c'est énorme. Il a accouché quoi. Ah ouais, c'est. Non, mais c'est fort, il avait 3 têtes de Sylvain Potard. C'est vrai, lui, il en a une petite quand même, hein, ouais. Mon Sylvain. Mais de tête ou de. Non, de. Oh, ah, oh, je sais pas, tu dis. De tête. Ah ouais, évidemment, je souhaite pas ça. Non, j'allais dire, Sylvain, va consulter pour ton nez. Ah oui, on sait jamais. Il y a quelque chose dans le nez, ouais, là, il est trop. Il grossit de jour en jour. Oh, c'est ce qu'il y a, il y a le cerveau, il est là-bas. Ah, ouais, c'est ça. Non, parce que j'ai vu le slip, il a l'air gros, le paquet aussi. Ma vie, il est plutôt là-dedans, le cerveau. Je sais pas ce que t'en penses, Liliane, mais je miserai plutôt sur la culotte au niveau du cerveau. Ouais, aussi, oui. Ouais, bah ouais. Toi ouais. T'as du nez, ma Liliane, t'as du nez. Attention, les amis, je suis tombé aussi sur un truc de ouf. Ouais. C'est l'idiotie du jour. Pour récolter de l'argent. Alors, les amis, c'est un stratagème de ouf. C'est une maman qui a simulé le décès de sa fille. Mais non, non, je peux pas te croire. Non, c'est pas une vanne. En fait, elle a pris un cercueil, elle a mis une poupée dedans, elle a fait venir tout le monde. Sa fille étant très loin d'elle, elle a organisé. Voilà, une petite cérémonie, des funérailles, il n'y avait personne dedans. Par contre, la tirelire, elle était bien ouverte. Oh, non. Elle a fait une canne de chichi. Elle a eu tout ça, etc., pour donner des petites enveloppes. Là, Sylvain, comme il te regarde, il dit putain, faut que je fasse des gosses. Non, mais c'est horrible. Hey, Liliane, qu'est-ce que t'en penses, toi, de tout ça, là? Ah, c'est horrible. C'est dingue, franchement, pour récupérer de l'oseille. Mais c'est abusé, franchement, c'est un truc de ouf. Mais c'est la mode en ce moment. En Irlande, je crois, il y a une équipe qui a fait ça. Ils ont simulé la mort de leur joueur pour annuler le match. Ouais, je te jure. Et c'est un truc de ouf. On l'a dit il y a 2-3 jours. C'est quoi cette nouvelle mode là? Eh ben, les gens veulent de l'argent et les idées de Sylvain fusent à travers le monde. Alors, en parlant de ça, moi j'avais fait un truc de ouf. Ouais. Quand j'étais petit, je faisais la quête, tu vois, pour le catéchisme. Non, mais c'est vrai. Donc j'arrive, je donnais le panier aux gens, ouais. Et en fait au lieu de donner l'argent au curé, ouais. Et ben je le mettais dans la poche. Oh non. C'est pas vrai, tu volais le curé. C'est pas bien. Putain, non, faut pas le faire. Et quand il avait faim, il piquait les hosties. Allez, shotgun, George Ezra. Mais qu'est-ce qu'il est terrible, putain. Pour ça qu'on a une poisse terrible. Ouais. Oh là là, l'horreur, les amis. Allez, le Tinder arrive. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We're south of the equator, navigator, gotta hit the road, gotta hit the road. Deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager toes. Get used to this. Time flies. the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. We got two in the front, two in the back, sailing along. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Allez les amis, on est dans les news sur Énergie, c'est un vrai bonheur d'être avec vous, c'est votre émission, vous venez comme Liliane, 0800 70 42 48, vous commentez, hashtag Ricocho sur Énergie, le Tinder de la peur arrive dans 3 minutes, mon Sylvain, ça y est, t'es parti, ouais. Tu vas aller récupérer ta prétendante, on va se régaler, ok mon poulet? Ah je suis chaud là. Oh là là, elle va découvrir évidemment qu'il est recherché à la télé, ça va être énorme, mais avant, les amis, il fallait absolument que je vous parle de cette étude du jour, c'est prouvé, les femmes dorment mieux à côté de quelque chose que d'un homme, c'est vrai, déjà, JM. Le téléphone, direct. Le téléphone, ah ouais, le téléphone remplacerait l'homme, non, c'est pas ça, Sylvain. D'un chat. À côté d'un chat, ouais. Tiens, Liliane, t'as un chat toi, ma Liliane? Oh oui. Oh là là, est-ce que tu dors mieux à côté de ton chat que de ton mari? Oh pas du tout, elle me lâche de partout. Oh là. Fais gaffe, t'es sûr que c'est pas le voisin qui vient te chatouiller? Non, c'est la chatte qui lèche, je comprends. Ah ouais, non mais j'ai une chatte, ça s'appelle Kaline. D'accord. Voilà. Et en fait, je la couche à côté de moi, à côté de nous, quand elle rentre. Et en fait, c'est une chatte, elle a tendance à lécher. Ah ouais, c'est vrai. Ouais, franchement, on embrasse Kaline, la chatte. La je sais pas comment dire, la langue là qui reste, c'est horrible. Est-ce qu'elle a du poil un peu, Kaline? Ouais. D'accord. Ah, bah, là, c'est la panoplie. Hein. Elle va passer chez le toiletteur. C'est l'hiver. Oui, c'est l'hiver. On a besoin. Non, Sarah, tu dors mieux à côté de quoi? À côté de mon fils, moi, je dors trop bien, je te jure. C'est vu qu'à côté de mon mec. C'est vrai? Ouais. Elle, c'est typiquement la meuf qui a remplacé son mec par le gosse. Oh, tu sais, c'est-à-dire qu'elle est d'abord une mère avant d'être la femme. Je le sens, ça. C'est sûr. Je le sens. C'est pas faux. Ah, c'est ça, hein? Peut-être. Oh là là. Alors, tu dois dormir sous le canapé tout le temps, là. Non, mais t'es fou, il dort dans le landau. Avec le bibi. Tout a repris sa place. Il regarde un petit Dora le soir. Elle a raison, hein. Vas-y Liliane, raconte. Elle a raison. Vas-y. Bah, elle a raison, moi j'ai 3 enfants, des fois ils viennent à côté de nous, c'est vrai qu'on est bien avec nos enfants. Oui, quoi. Ah, c'est vrai. Génial. Merci. Non, mais c'est vrai. C'est génial. Merci pour les hommes. Liliane, elle te fera un virement, t'inquiète pas. Elle est en train de te rassurer. Bédi qui nous écoute, le chéri de Sarah. Et pour terminer, les amis, autre news complètement ouf. C'est la dernière avant le Tinder, c'est le bad buzz, les amis. Une intelligence artificielle capable de prédire les futurs criminels. Oh là. Et évidemment, je vous ai pas dit avec quoi ils veulent me dormir. On sait pas te contredire. Ça me paraissait clair. Si tu veux pas le dire, on le dit pas. Je suis désolé, c'est le chien. Ah. C'est le chien. Le potard chaud à côté de vous. Fait dormir. La truffe. Ouais. Apparemment, le chien, les animaux en général, hein, on l'a vu avec Liliane, c'est mieux que l'homme. Ah ouais. Bah oui, non, mais c'est pas faux. Ouais. Déjà, ça ronfle pas forcément. Ça pue moins. Ah ouais. Ça n'est pas l'animal, ça n'est pas l'homme. quand ton mec l'a baladé à la mi-temps du match, ça sent la croquette. Hein. Ouais, je vais te dire, il sent le poney, je vais te dire, quand il a reniflé toutes les crottes du quartier et qu'il vient te tounser sous la truffe, je vais te dire, derrière, il a les pattes humides du dehors. Ouais. Parce que en France, quand tu balades ton chien à 10h, l'air est humide. Ouais. Ouais. C'est vrai. Et le chien mouillé, ça sent pas très bon. Ah, bah je vais te dire, déjà le potard mouillé, laissez tomber. Non, ça mais explose là, le potard mouillé. Ah, ben là, je peux te dire. Ah oui, là c'est l'horreur. Et puis l'intelligence artificielle, on parlait de Sylvain justement qui avait volé, vous savez, des hosties dans une église, mais aussi la quête du curé. Eh bien, il y a une intelligence artificielle qui permet de prédire les futurs criminels. Ouais, ça fait débat en fonction de l'âge, de là où vous habitez, de votre ethnie, de la discrimination. C'est vrai que ça fait débat, mais a priori, il pourrait prédire le vol des hosties et de la quête du curé. Alors, pour ça, moi je dis oui, si ça peut empêcher ce pauvre curé de se faire voler les 3 sous pendant la messe par Sylvain, moi je dis vive l'intelligence artificielle et vite qu'elle arrive. Non mais c'est vrai, donc pour Sylvain je la mets en place. Il aurait peut-être pu déceler qu'il aurait carotte ce pauvre curé. Non. Ah, quelle horreur. Et des déos à Franprix. Ah ouais, et des boîtes de thon il y a encore une semaine. Bah, oui. Bon, arrêtez avec ça là. Parce que s'ils avaient détecté, si dans l'algorithme ils avaient mis à voler le curé, ils auraient pu détecter que 10 ans plus tard t'allais voler du thon dans le Franprix. Oui, toi qui as volé 3 boîtes de thon. Oh l'horreur. Liliane, je t'embrasse en tout cas. On s'est marré avec toi, d'accord ma Liliane? Oh ben à bientôt, je vous fais de gros bisous et restez comme vous êtes simple, restez vous quoi. Eh ben voilà, on t'aime Aliane, t'as vu, on changera pas, on terminera pas les news, on en commentera d'autres. Ne t'inquiète pas, on t'embrasse ma Liliane. Bisous. On va te faire un petit cadeau. Les amis, ça y est, c'est l'heure. C'est le Tinder de la peur. Vous êtes dans une spéciale amour. Il y aura un mariage, mais aussi deux personnes qui vont tenter de se revoir. J'ai piégé Sylvain qui en kiffe sur Zao. Ah ouais, c'est énorme. Ouais. Sylvain, tu pars tout de suite. Mon poulet, ouais, ta prétendante t'attend chez toi. Elle va découvrir à la télé que tu y recherchais. C'est maintenant. Tous les matins, c'est Manu dans le 6-9 sur Énergie. Hier, un homme politique a fait son retour. DSK. Mais non ! Oui. Ah oui ? Et il veut lancer un nouveau projet. Un club de réflexion pour créer une structure composée d'intellectuels, de syndicalistes, de dirigeants d'entreprise et d'économistes pour définir les futurs grands thèmes de société. Oula. Oula. Wow. Ah ouais. Franchement, c'était plus rigolo quand on parlait de son zizi. Hein. Manu dans le 6-9. Manu. Et ouin ouin. Tous les matins, 6h, 9h30 sur Énergie. Nouveau cycle, Chérie 25. Chaque jeudi, Chérie 25 met à l'honneur Cameron Diaz. Une icône glamour et populaire. Une femme merveilleuse. Pétillante et attachante. J'avais pas envie d'être seule hier soir. L'actrice est la star des comédies américaines. Un vrai rayon de soleil pour vos soirées d'automne. Chaque jeudi, Chérie 25 vous fait découvrir ses multiples talents. Demain, Inner Shoes, à 20h55 sur Chérie 25. Chérie 25, tous les soirs un film. Bonjour, c'est Pascal Obispo. Je suis le parrain du Téléthon 2018. Les 7 et 8 décembre, nous avons 48 heures pour accélérer les projets des chercheurs. Grâce à votre soutien, nous avons déjà vaincu des maladies génétiques, mais d'autres restent à vaincre. Les enfants et les familles comptent sur nous, rejoignez-nous. Faites un don au 3637 ou sur téléthon.fr. C'est tellement important. Mission Impossible Fallout en Blu-ray DVD. On s'équipe. Allez. Un film d'action intense et explosif avec Tom Cruise. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Mission Impossible Fallout, maintenant Blu-ray DVD et VOD. Avec Énergie. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sortie. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. Tout le monde connaît son nom. C'est Bumblebee. Bumblebee Transformers. Ou presque. Bumblebee. Il me semble que c'est Bumblebee. Non, Bumblebee. Bumblebee. Le robot le plus cool de la saga Transformers débarque pour le film événement de Noël. Bumblebee. Voilà Bumblebee, le 26 décembre au cinéma. À nous, notre super week-end à Venise. Oh oui, j'ai trop hâte, mon chéri. Oh, mais on pourra pas utiliser notre forfait là-bas. Mais si, avec le forfait mobile free, tout est inclus. En plus, t'as 25 gigas d'internet inclus dans plus de 35 pays. Ah, mais c'est génial. Bah ouais, et on a toujours les appels, SMS et MMS illimités pour le même prix. Et comme c'est valable toute l'année, je t'emmène à Barcelone le week-end prochain. Ah, mais merci, mon chéri, merci. Oh non, ne me remercie pas, remercie free. Offre soumise à condition, sous réserve de couverture. 25 gigaoctets en 3G, facturation au-delà. Hors numéro surtaxé. Plus d'infos sur mobile.free.fr. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est maintenant 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. La semaine prochaine, écoutez Manu dans le 6-9 dès 6h sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offriront. Euros de cadeaux par jour à gagner la semaine prochaine avec Manu et Cdiscount. La bonne idée but, c'est moins 50% sur une table de jeu avec baby-foot, billard, blackjack. 10 cadeaux en un. Elle est là pour se tromper à Noël, hein, faudrait vraiment être une bûche. Ah, c'est vrai qu'elle est pas mal. Le sweet Noël continue chez But. En ce moment, moins 50% sur la table multijeu qui passe de 200 à 99,99€. Oui, 99,99€. Sweet Noël, doux Noël. TF1. Demain, Thomas Sisley est Balthazar, votre nouveau héros. Médecin légiste le plus doué de sa génération, il fascine autant qu'il exaspère. Un défi de taille pour le commandant Bach. Il a toujours été comme ça ? Toujours. Inédit, Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles dans Balthazar, demain à 21h sur TF1. Imaginez, Sylvain va piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. Yes les amis, super content de vous retrouver jusqu'à 23h puisqu'on est dans une spéciale amour. Sylvain accueille sa prétendante chez lui, on va se régaler, des personnes vont se demander en mariage, on va voir également une battle séduction magnifique, mais on aura aussi, les amis, je vous le dis, deux personnes qui vont tenter de se retrouver. C'est magnifique cette émission, on a des kiffs de partout. On se connecte avec Sylvain qui accueille sa prétendante chez lui, c'est parti. Ouais, ça va mon Sylvain? Ouais, attends, je viens d'arriver chez moi là, je mets le déguisement là. Ah, c'est pas chez toi, c'est un appartement. Oui, bah à force, c'est comme ça chez moi. D'accord. Ouais, bien sûr. Ouais, attends, je suis en train de mettre le déguisement là. Ouais. Du Père Noël. Ouais. Et là. D'accord. Là, elle est juste en bas là. Elle est juste en bas là. Très bien, on va envoyer un message là. Ouais. Ouais, j'envoie. Elle est en train de se cailler les miches là. J'ai envoyé un message là. Ah, d'accord, elle est en bas, tu l'as fait patienter. Bah nickel. J'ai envoyé les codes là. Vas-y. J'ai envoyé les codes là, elle monte là. Elle va monter. Ok, très bien. Bah, ouvre la porte, accueille là. Ouais. Vous allez voir que Sylvain, il est déguisé en Père Noël. Qu'en fait, il bosse dans une enseigne de jouets et génial. Il se fait passer pour le Père Noël. Donc, il l'accueille en Père Noël. Enfin, parce qu'il n'a pas eu le temps de se déshabiller, genre. Ouais. Là, c'est le thème de la soirée. C'est Noël pour cette jeune femme. Oula, là, c'est. Ouais. Oula, là. On veut rester. Ça, c'est du tout. Tu vois, tu t'es habillé comme ça? Bah, écoute, là, en fait, je sors du taf. Ok. J'étais dans le sud, désolé. Ok, je te fais. Je te fais un bisou quand même. Bah, bien sûr. T'aimes pas les Pères Noël? J'adore les Pères Noël. Ah. C'est drôle. Eh, hey, je suis pas une ordure. Hein. Je te dis. Il était obligé, celle-là. Tu t'es habillé comme ça? Bah, non, mais en fait, je t'ai pas dit, pour arrondir les fins de mois, je fais les 3-8. C'est-à-dire, je bosse à la galerie. Okay. Galerie à la galerie, ouais, ouais, c'est pas ça. Donc, en fait, je m'occupe des gamins, ils montent sur mes genoux. D'accord. Voilà, ils me donnent leur liste, les bisous, les trucs. Ouais, ouais, c'est relou. Hein. Ouais. Là, je me suis fait pisser dessus aujourd'hui. Ouais, j'ai une tache. Ouais, j'ai une grosse tache. Plus tache. Non, oh non, le loup. C'est toi, ça? Ok. Ça fait plaisir de te voir. Bah, moi aussi. Hein? Ça fait c'est par sympa. Contre, attends, par contre, tu peux enlever tes sabots, en fait, tes chaussures. Ah, oui, moi aussi. Et donc, t'es maniaque, quoi. Bah, ouais, parce que là, franchement, ça le fait pas parce que, tu sais, moi, j'ai pas. Ouais. Ok, je les enlève. J'ai pas trop de lutins en ce moment, donc. j'ai pas trop de lutins. Alors, tiens. Ça. Hop, mets-les là, hop, okay. Ouais, voilà, merci. Tiens, ça se passe. Il en a plein les bottes, le Père Noël. En ce moment, j'en ai plein les bottes. Enfin, ouais, plein les bottes, hein. Je te dis. Et toi, ça va sinon? Ouais, ça va, super. Ouais? Ouais. Toi, je vois, t'as sorti les boules, hein. Enfin, non, enfin, les. Le décolleté, les. Oh là là, ça y est, ça commence, ouais. Ce date. Il va être magique. Hein. Elle va découvrir, évidemment, à la télévision lorsque Sylvain va mettre la télé. Ouais. Hein, un faux flash annonçant une émission spéciale autour de Sylvain et qu'il est évidemment recherché. C'est énorme, les amis. Allez, gam-gam, et on les retrouve. c'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Et les amis sont déjà très à l'aise. Ouais. J'ai tendu une oreille dans l'appartement, puisque si vous nous rejoignez, bienvenue d'ailleurs, on est dans une spéciale amour. Et Sylvain accueille sa prétendante qui va découvrir évidemment qu'il est recherché à la télévision. C'est ouf ce qui est en train de se passer. Il lui a demandé d'enfiler le costume de Mère Noël ou pas encore? Ouh là là, je sais qu'il l'a prévu. Un petit peu sexy, puisque Sylvain évidemment est Père Noël la journée. Ouais. Et il était encore en tenue puisqu'il venait d'arriver du boulot. Il est très Noël ce soir. On se connecte dans l'appartement. Et toi, tu fais quoi du coup dans la vie, toi? Toi, tu fais quoi du coup dans la vie? Moi, je bosse dans le prêt-à-porter. Ah ouais, dans le prêt-à-porter, ouais. Hein, ouais, d'accord. Ouais. D'accord. C'est quoi, spécialisé? Il y a une spécialité ou pas? Non, c'est un peu... String. Enfin, string. En femme, mais ouais. Non, il y a un peu de tout. Ah ouais, un peu haut de gamme. D'accord, ah, haut de gamme, voilà. Ouais, bah oui. Bah, ça doit, ouais. Que je te vois, je vais te dire que c'est haut de gamme. Oh là là. C'est trop mignon. Au-dessus, il y a le soleil. Ah, merci. Y a la, en dessous, il y a la connerie. De Sylvain. Ça a été là, tu t'es garé là, facilement? Ah oui, bah ouais, nickel. Ouais, ouais, je me suis garé dans le quartier. Ah, parce que, tu sais, c'est dur. Hein, déjà, moi, j'ai du mal à garer mon traîneau. Oh non! Allez, heureux! Ça, forcément. J'ai gardé mon traîneau facilement. Ah, ça va. Ouais. Ça l'a fait rire. Ouais, elle a envie. T'es pas mon reine, t'es ma reine. Oh là là. Ça marche, hein? Ah bah, elle a la dalle, hein, excuse-moi. Parce que là, j'ai fait un petit jeu, là, et je peux te dire qu'il est mortel. Ah ouais? Voilà, c'est. Bah, tu sais, c'est. T'es dégoûté, c'est toi? Ouais, non, j'ai fait un petit vin chaud, là. Ah, mais cool. J'ai remplacé la cannelle par du gingembre. Ah, ok, bah, ça fait plaisir quand même. Ah oui, ça fait plaisir. Tu veux goûter? Ouais, carrément. Tiens. Vas-y, ah, il veut la chauffer. Ça marche les filles, ça? Ouais, ça marche. Ça sur tout le monde, ça marche. Alors? Mais faut en manger, quoi. C'est bon? C'est chaud, hein? Ouais. Hein, c'est chaud, pas. Ça se mange sans faim, ça. C'est ça. Enfin, ça se boit sans faim. Hein, tu sens un petit goût de gingembre, là? Non, mais c'est super. Tiens, bois. Ouais, tiens, bois. Ah, glou. Ok, tu veux me faire moi? Glou. Oh non, glou. Mais qu'à toi, c'est du... Il veut la chauffer, l'autre. Il est fou. C'est vrai, hein. Écoute, ouais. Ah, c'est une recette de grand-mère. Ah, carrément. Ouais, c'est ma grand-mère. Il a prévu de lui faire faire le sapin. Ouais, ouais. Je vous le dis. Hein, ouais. Ça va partir. Et du coup. Il va lui accrocher des trucs. Ouais, bah, je crois. On va la déguiser. Hein. Du coup, bah, si ça te dit, regarde, j'ai mon sapin là. Ouais. Et ça te dit qu'on le décore ensemble? Ah, bah oui, si tu veux, pas de problème. Ouais, oh ça te dit. Ouais. Oui, pour une première vidéo. T'en as passé l'après-midi à enlever les trucs du sapin là-bas. Le sapin. Oui, ok. Le sapin, il est tout nu. Le sapin, oui. Et comme on dit, on va l'habiller, après je te déshabille. Non, non, non. Donc vas-y, alors attends, faut que je trouve mes boules, enfin c'est les boules du carton, hein, bien sûr. Oh là là, mais quel lourd. J'en fais plus, du gars. C'est drôle, c'est dans le thème en tout cas. Ouais, je suis dans le thème. Bah alors tu sais, on commence toujours par le haut. Ah bon? Ouais, on commence toujours par le haut sur un sapin. D'accord. Donc je vais mettre l'étoile. Tiens, vas-y, mets-la. Ok, merci. Mais je suis trop petit. Non, c'est bon, attends, tu fais la courte échelle. Merci. Regarde. Enfin, j'ai la grande échelle. Hein, bon. Ah non, mais arrête. Non, mais c'est trop, t'as abusé. Et vous allez voir, Simon, on a prévu un dos en fait. Ouais. Il va se laisser aller un petit peu à sa sensibilité autour du sapin. Non, il va pas pleurer. Vous allez comprendre pourquoi il aime Noël. Ah. Quoi? J'ai peur. Il va lui faire le coup du malheureux. Il paraît que ça marche. Ça marche. Ouais, ça peut marcher. Hein, ouais, ouais. Le gars qui s'attendrit, vu qu'ils font la déco. Ah ouais, ça marche grave. Où je t'explique, si j'aime Noël, c'est parce que Zoom Soprano, ça va être énorme. On est là jusqu'à 23h, les copains. Alléluia. Hermano Sopran Baba. Hermano Shahuela. Je suis toujours resté le même. Je suis toujours resté franc. Oui, comme ma première sacelle. 20 ans au-dessus de la mêlée. Je ne sais pas m'arrêter. Je sais que je devrais en laisser. Mais bon, je ne sais que les dresser. Car j'ai ça dans l'ADN. Non, je ne sais pas faire autrement. Je ne sais pas faire doucement. Je les entends me tailler. Normal, on taille que les diamants. J'ai dû hériter de la baraque de mon voisin Zinedine. À la baraque, il y a une décennie de trophées. Mais que des retournés à la Gareth Bale. Les baffes, leur donner le tournis quand tombent les tout derniers chiffres. De leur carrière, j'ai pas tourné la page, mais j'ai plutôt fermé le livre. Mélanger les styles et les gens depuis tellement d'années qu'ils n'arrivent plus à suivre. Donc obligé ce soir de leur expliquer ce qui leur arrive. Viens, zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. Comme Savastano dans la Scampia. On vient rentrer dans la leyenda. Ah, c'est Yezou. Zoom, zoom, zoom. Comme Diego dans la Bombonera. bien rentré dans la légende. Sa prétendante, nous dit Amélie, hashtag Ricocho sur énergie. Et puis il y a Steph qui compatit, qui dit le pauvre Sylvain est pas un cadeau. Oui, il est avec sa prétendante. Et oui, elle va s'apercevoir qu'il est recherché. C'est le Tinder de la peur. C'est le grand moment. C'est le Tinder de la peur. Dans la foulée, la battle de séduction et un copain va tenter de demander en mariage sa meuf. On dirait que ça va être énorme. Bah écoute, on croise les doigts, on croise les pieds. On se connecte avec Sylvain qui fait le sapin avec sa chérie. Et les amis, pour l'instant, ils décorent. Ils décorent, mais l'émotion est en train d'arriver. Vous allez voir qu'il va tenter de l'attendrir avec autre chose que ses blagues. Ah. Oh. Pareil que ça marche. Ça marchera toujours mieux. Ah, bah écoute, c'est pas bête. Vu comme ça, en fait, c'est peut-être l'idée que ce sera mieux. C'est sûr. On se connecte. Hey, il est pas beau, regarde. Hey, il est pas beau ce sapin. Il est magnifique, putain. Franchement. Il est super beau. Hein ? On a fait du beau boulot. On a fait du beau boulot, hein ? Oh, complicité. Ouais, franchement. Ouais, j'aime bien. Tu sais, moi, pour moi, c'est important le sapin. Ouais. Enfin, tout ce qui est magie de Noël, quoi. Ah ouais ? Ouais, pourquoi ? Ouais, parce que chez moi, on n'avait pas trop de. On n'osait pas trop Noël chez moi, tu vois. Ah, ouais. Mmh. Donc chez moi, ça me touche, tu vois, les petits et tout. C'est trop mignon. Tu vois, la liste des enfants. Ah. Ah, nous, c'était une clémentine, et voilà, quoi. C'est vrai. C'est plus pareil maintenant, c'est bon ? Non, c'est sûr, mais c'est dur, tu vois, moi, quand je vois un enfant avec un sourire, tu sais. Ah, c'est trop mignon. Ouais, ça m'émue. Ça m'émue. Quel rapport. Ça m'émeut, quoi. Là. Franchement, c'est dur. C'est dur. Ouais, à chaque fois, je suis à la limite de chalet. Hein. Ah, moins câlin. Ouais, je fais un petit câlin. Oh. Oh non, ça a marché en plus. C'est trop mignon. Ouais, franchement. Mais oui. Ah, c'est parce que moi, le Père Noël, sur son créneau, il n'avait pas le GPS. Et donc, il connaissait jamais le mal. C'était le cul-de-sac. Mais ça va changer, c'est bon. Ouais. Pareil. Ouais, c'est sûr, mais bon, voilà. Donc, franchement, ça me fait plaisir que tu sois là pour pas parler. Là. Franchement, je suis. Pleure. Mais putain, il faut qu'il chie. C'est con, ouais. L'acteur, il loupe comédien. C'est dur. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui meurt. Un enfant qui pleure, c'est un enfant qui meurt, quoi. Il est con. C'est quelque chose de. Non, c'est quelque chose de. Non, je sais pas. C'est... Ouais. Pleure, regarde des oignons, voilà. Je sais pas. Mais c'est mignon, c'est pas possible en fait. Ouais, je suis un mec sensible. Hein. Mais ouais, ça se voit pas comme ça, on se met au cul d'abord et en fait. C'est... Ouais, non, c'est cette carapace, il y a un petit cœur. Bah ouais, ça se voit. Il a peur de trop se dévoiler. Bah oui, parce que c'est vrai. Vas-y. Il a 200 pulsations là. Ah, oh, il sent le cœur. Attends, je ramasse la boule. Attends, vous allez voir la surprise. La dernière boule. Quoi ? Mais merde. Vous entendez ça craque. C'est quoi ? Il a mis son pantalon de strip-teaser du Père Noël. Oh, oh là. Bah désolé. Il désolé, a craqué son froc. Non, ok. Okay. Oui, il est nu. Il a les fesses à l'air. Ouais, j'ai le cucu à l'air quoi. Non, hein ? Horrible. J'ai le cucu à l'air, excuse-moi. Oh, attends. L'horreur. Attends, j'ai le cucu barbu. Elle est mort de rire. J'ai le cucu barbu d'ailleurs. Attends. Excuse-moi. Elle adore. Ah, j'ai le cucu barbu. Ok. J'ai. Attends, je mets un petit truc là. Ouais, okay, attends, parce que je suis un peu gêné là. Mets la barbe de Noël. Du poil au poil. J'ai les boules qui pendent, mais pas comme ça pas. Ah non. Attends, voilà. C'est un autre thème pour Noël. Ouais, elle clignote, hein, celle-là, c'est tout. Bah, regarde. T'as baissé à ouf, ce mec. Je te jure que c'est un gueudin. Ouais, là, il me tue, moi. Il est magnifique. Ouais, allez les amis, ouais, on va laisser se rhabiller, on va annoncer qu'il est recherché. C'est maintenant Let Up Bitches sur Énergie. Quel kiff ce Sylvain, franchement. Dites-moi ce que vous en pensez tout de suite. Là, je lis tous vos messages. Hashtag Rico Show sur Énergie et puis Rico Énergie sur Snap. Et puis vous allez voir qu'on a un copain du Rico Show qui va tenter de te demander en mariage sa meuf, là, juste après. This is complete and total bullshit. If I show you my tits, will you let me in? Can you just take another drink with me? Thanks. Later, bitches. Bitches. On est là avec vous jusqu'à 23h. On a pas mal de choses à faire puisque la fin du Tinder arrive. Ouais. On va laisser Sylvain tranquillement se rhabiller. Hein, lui qui a troué son pantalon. Dans deux minutes, sa prétendante va s'apercevoir qu'il est recherché. Ouais. Hein. Elle va le découvrir à la télévision. Ça va être énorme, les amis. Concept complètement ouf qu'on fait là pour vous. Vous êtes hyper nombreux à commenter. Je vais lire tous vos messages. On va se faire aussi la demande en mariage avec David. Wow. Ouais. Hein, je vais vous expliquer. Il est là, mon David. Il a fait le 0800 70 42 48. Ça va, David? Ouais, ça va, Rico. Comment allez-vous? Ça va, mon David. Écoute, nous, on va bien. Toi, par contre, dans cette émission spéciale amour, t'as besoin de l'émission, de l'équipe, de tout le monde pour te donner plein de courage parce que t'aimerais faire quelque chose de particulier. Raconte-nous, David. Eh ben effectivement, voilà, j'ai décidé aujourd'hui, avec l'équipe du Rico Show, de demander ma compagne en mariage. Eh, mon David, c'est un honneur que tu nous fais de faire ça ici en direct et on va t'offrir cette possibilité. Ouais. Et franchement, si ça se fait le mariage, on vient. Hein, on vient avec toi. David, elle est comment par rapport au mariage? Elle est plutôt OK, généralement, ta meuf, tu la sens prête parce que t'as 25 ans. Est-ce que tu sens qu'elle est prête? Ah ouais. Oui, elle a l'air d'être bien prête sur le sujet. Elle a l'air d'être tout à fait d'accord pour ça. Mm-hmm. Bon, J'espère, mon David. J'espère. Oui. On croise les doigts. En plus, on aime les demandes un petit peu sensationnelles comme ça. Ouais. Tu vois, la radio. Tu peux que dire oui, mais on adore. Ah ouais. Mais est-ce que tu dis pas oui, puis trois jours après, tu dis je me suis emballé. Ah, c'est possible. T'imagines, elle raccroche au moment de la demande. Ah, oh, putain, je capte plus. Écoute, ça capte plus, je suis dans un tunnel. C'est ça. Ok, David, tu bouges pas, on va t'aider. Il va y avoir la battle de séduction. Et puis, Sylvain est fan de Zao. Ouais. Il croit qu'en fait, il aurait pu la pécho. Je vais tout vous expliquer. On se connecte un petit peu dans l'appartement de Sylvain, voir ce qui s'y passe. Je crois qu'il a changé son slip. Merci. T'aimes bien ? Bah ouais, là je suis dans le thème en fait. Franchement, le déguisement. Merci. Mais non. Elle l'a mis ? Vraie Mère Noël en fait. Il est fait pour toi. Bah ouais, le rouge, ça me va bien. Ça te va bien, hein ? Ma petite Mère Noël. Merci. J'ai envie de te couvrir de cadeaux. Oh là là. Vous savez, vous dites peut-être ça va un peu vite. Ouais. Mais je vous explique, Sylvain, il est préchauffe bien hein, sur Tinder. Et puis c'est le roi de la discussion. Oh oui. Du coup, derrière, ça marche plutôt pas mal. J'ai vu les messages, t'inquiète pas. Hein. Les nanas sont derrière lui. Tu sais que je ne comprends toujours pas pourquoi. C'est vrai. Mais vraiment. Et elle avait l'air motivée, cette jeune femme. Bah, comment te dire qu'elle lui a envoyé des petites photos un petit peu coquines. Oh là là. Juste pour info, hein, juste comme ça. Donc, très bien. Très motivée. Écoute, Sylvain, t'as 3 minutes pour chauffer à max. Je t'arrêterai une fois qu'on aura fait la toute petite pub, puisque les amis, on va l'annoncer, rechercher, c'est énorme. Des jumeaux sont nés, ils voulaient donner les prénoms Griezmann et Mbappé. Mais non. Faut pas faire ça les amis, on sait pas quelle image ils auront ces joueurs dans quelques années. C'est vrai, faut penser à l'enfant. Moi par exemple, je le ferai dans la sobriété. Je prendrai toujours un prénom d'un joueur qui a joué cet été, mais dans la sobriété. Je l'appellerai Frappe de bâtard comme Benjamin Pavard. C'est Coé, c'est à 17h, c'est sur Énergie et en podcast sur énergie.fr. Nouveau cycle Chérie 25. Chaque jeudi, Chérie 25 met à l'honneur Cameron Diaz. Une icône glamour et populaire. Une femme merveilleuse. Pétillante et attachante. J'avais pas envie d'être seule hier soir. L'actrice est la star des comédies américaines. Un vrai rayon de soleil pour vos soirées d'automne. Chaque jeudi, Chérie 25 vous fait découvrir ses multiples talents. Demain, Inner Shoes, à 20h55 sur Chérie 25. Chérie 25, tous les soirs un film. Chez Leclerc, nos forfaits mobiles s'appellent Réglo. Et c'est Réglo sur toute la ligne. Un nouveau forfait avec appel, SMS, MMS illimité et 40 gigas d'Internet à 9,95€ par mois sans engagement, c'est Réglo. Et vous avez la possibilité de faire appel à un vrai service client en magasin. Alors soyons Réglo. Mobile. Leclerc. Forfait pour des communications intra-France métropolitaine hors numéros spéciaux. Disponible dans les centres Leclerc et sur réglomobile.fr. Offre soumise à conditions, consultable sur le site. Découvrez Oh My Mag, le nouveau magazine féminin pour se faire plaisir. Beauté, déco, food, sortie. Retrouvez les meilleurs do-it-yourself, nos recettes du réveillon et les dernières tendances beauté. En cadeau dans ce numéro, un poster à colorier, 12 stickers de Noël et nos cartes astro illustrées. Oh My Mag, le magazine pour s'ouvrir aux autres, rêver et partager. Actuellement chez votre marchand de journaux et sur prismashop.fr. TF1. Demain, Thomas Sisley est Balthazar, votre nouveau héros. Médecin légiste le plus doué de sa génération, il fascine autant qu'il exaspère. Un défi de taille pour le commandant Bach. Il a toujours été comme ça ? Toujours. Inédit, Thomas Sisley et Hélène de Fougerolles dans Balthazar, demain à 21h sur TF1. Gagnez sur Énergie 3 minutes pour tout choper dans un magasin but. Écoutez Coé de 17h à 20h sur Énergie. Salut, c'est Coé. Foncez dans un magasin but avec votre famille. Prenez-vous en photo avec un accessoire de Noël et envoyez-la à coé@energie.com. Si je vous choisis, je vous offre 3 minutes pour choper tout ce que vous voulez sans rien payer dans un magasin but. Énergie, it's music only. Leclerc. Chérie, regarde, j'ai acheté des assortiments de chocolat Champs-Élysées de Lindt chez Leclerc. Mes préférés. Et avec 50% de remise immédiate sur la deuxième boîte achetée, j'en ai même pris deux. Chez Leclerc, nous défendons aussi vos comptes de Noël. Du 4 au 15 décembre, la boîte de 469 grammes d'assortiment de chocolat Champs-Élysées de Lindt est à 11,95€, soit 25,48€ le kilo. Avec en plus 50% de réduction immédiate sur la deuxième boîte achetée. Voir modalités et magasins participants sur www.e.leclerc. Mais c'était pas pour Noël ? Tant pis. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés et sucrés. Mission Impossible Fallout en Blu-ray DVD. On s'équipe. Allez. Un film d'action intense et explosif avec Tom Cruise. Mais qu'est-ce qu'il fait ? Je crois qu'il vaut mieux pas regarder. Mission Impossible Fallout, maintenant Blu-ray DVD et VOD avec Énergie. My circuits are blown. I feel so alive. My life just blew up. I'd give it all up. I'll depressurize. I'm something human, human. Piéger une inconnue qui pense le rencontrer chez lui pour trouver l'amour. En réalité, elle découvrira que lors de son rendez-vous amoureux, que le prince charmant n'est pas celui qu'elle croit. Comment ? Par la télévision, qui lui diffusera une bande-annonce pour l'annoncer recherché. Le Tinder de la peur, c'est maintenant. C'est maintenant les amis, c'est terrible ce qui se passe puisqu'on est dans une spéciale amour et Sylvain s'était déguisé en Père Noël. Il nous a fait marrer, il est avec sa prétendante chez lui, ça se passe bien, ils sont presque attachants tous les deux. Grave. Mon GM il s'est confié. Ben oui, de ouf, et en plus il lui a donné le costume de Mère Noël qu'elle a enfilé, je crois qu'il lui va à merveille. Il va à merveille puisqu'il y a deux pans de vêtements. Autant vous dire, on a David qui va demander sa meuf en mariage dans une minute, il y a Maëlle qui est ultra jalouse avec son copain et elle arrête pas de fouiller dans son téléphone. Elle n'en peut plus, elle est pas bien. On va en parler les amis. Massara, on se fera la battle de séduction. Énorme. Zao et Sylvain, j'ai piégé Sylvain avec Zao, il faut bien que vous soyez là. On va se faire une barre de rire. On se connecte, on annonce que Sylvain est recherché, il allume la télé, c'est maintenant. Voilà. Voilà. Putain, mais pourquoi il fait des bruits? C'est horrible de faire des bruits comme affreux, ça. C'est affreux, c'est rédhibitoire pour moi. Ouais. Ah, il sait qu'il a l'écoute, là, il veut en faire des caisses. On dirait qu'il bouffe. Ah, on dirait qu'il bouffe. Ouais. Oh, on dirait qu'il bouffe, en fait. Ah, oh, il doit baver de partout. Voilà, là. Là, je suis. Voilà. Attends, là, je suis de la salle de bain, là. Okay. Ça me dégoûte. Là, j'ai la bûche de Noël, là, elle va. Avec sa voix, genre sexy, bizarre, là. Attends, bouge pas, là, j'y vais, là. Attends, j'arrive. Attends, je vais à la salle de bain, là. Je m'en refroidis un petit peu, là. Ok. Attends, j'arrive. Attends, j'arrive, là. Oh là là. Attends, j'arrive. Mais c'est bon, elle a compris. Il est comme un dingue, quoi. Je te mets l'équipe. Vas-y, mets l'équipe. Je te mets l'équipe. Je t'avais, il est fou, celui-là. Ah, tu le laisses 5 minutes, il est déjà à moitié. Un animal. Attention, elle entend ça au même moment, elle découvre que Sylvain est recherché. Ça y est, c'est parti, il lui a mis les clips. Ce soir, les équipes de crime mènent l'enquête sur les traces du terrible Sylvain Potard. Il aurait été aperçu par plusieurs témoins dans le 16e arrondissement de Paris. Nous ferons un point sur cette enquête hors norme et sordide. C'est ignoble, hein, c'est de la barbarie. Il y a eu un acharnement comme ça sur lui, dans quelle situation il a pu se mettre pour en arriver là, quoi. Malgré tous les crimes qu'il a commis, Sylvain Potard reste aujourd'hui introuvable, un véritable fantôme. Alors quand frappera-t-il de nouveau? Si au cours de l'émission, vous le reconnaissez, n'intervenez surtout pas vous-même. Appelez le numéro vert mis en place spécialement 0800 70 42 48 car cet homme est extrêmement dangereux. Il va surprendre les enquêteurs, c'est la sauvagerie. Crime, la traque du terrible Sylvain Potard, c'est ce soir. Sur Énergie 12. Ça y est, elle vient de découvrir que son date est recherché. On va se connecter dans l'appartement pour entendre un petit peu sa réaction. Voilà. Putain, mais c'est quoi ce délire? Je peux pas sortir. T'en fous, c'est pas chez toi. T'es en train de tout carasser. Eh ben, c'est. Payer l'immobilier. Non, mais arrête, elle casse pas l'appartement, j'ai une caution, tu. Attends, il y a une caution, Rico. Oh putain. Je t'arrive. Je vais me regarder un truc, il y a un truc qui va me passer là. Mais t'as vu quoi? Laisse-moi sortir, putain. Laisse-moi sortir. Mais t'es sérieux, toi? Non, tu restes là. Non, arrête. Sylvain, enferme-toi dans la salle de bain. Enferme-toi dans la salle de bain tout seul. Hein? Non, tu sors pas. C'est quoi ce délire, putain? Arrête de casser là, Oh putain, non, je veux pas qu'il casse tout, hein. J'ai une caution. Je veux pas sortir. C'est pas flippé. Vous êtes allergique, regardez. Vous, il l'embrasse et il dit vous. Il n'y a pas de radio. Rico, laisse-moi sortir. Allô, Rico. Elle est en train de casser tout. Non, arrête pas. Nico. Mais dis-lui que c'est bad. Nico. Dis-lui. Putain, mais... Madame, c'est une blague. Vous êtes en direct sur Énergie. Sylvain n'est pas recherché. C'est une vanne, hein. On vous a mis un faux clip, hein, évidemment. Tout va bien. Oui. Il n'est pas recherché. Il n'y a pas d'émission spéciale autour de lui. Tout va bien. Rassurez-vous. Il est nickel. Il est nickel. Il a très envie de vous. Ouais. Rassurez-vous. Il a très envie de vous. T'es le gars qui rassure. Ça va, madame? Tout va bien. Arrêtez. Non, mais qu'est-ce qu'il y a? Vous me cassez pas la part! Ah ouais, non! Putain, c'est quoi ce soir? Vous êtes en direct sur NRJ, c'est une vanne! Oh putain! C'est une vanne, vous êtes à la radio, c'est une vanne! C'est une vanne, tout va bien, voilà, on va se calmer là! On va se calmer, elle a pété tout l'appart! J'ai entendu des bruits chelous! Attends, pour que Sylvain la vouvoie à la fin, c'est qu'elle faisait flipper! Ça va être chaud! David, est-ce que t'es prêt à demander ta meuf en mariage? Ouais, Rico, je suis toujours prêt. Eh ben écoute, c'est le grand jour. On aura aussi Chloé qui est l'alibi de son père. Hein. Il trompe sa belle-mère et il se sert d'elle pour aller piocher. On en parle, les amis. Et puis on aura la battle de séduction. Et surtout, on va reprendre la nana calmée avec Sylvain. Promise. Are you drunk or no? Gonna judge what I'm doing. Are you high enough to skills that I'm ruined? Cause I'm ruined. Is it late enough for you to come and stay over? Cause we're free to love, so tease me. Ooh. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. You acting tonight. Is it loud or no? Cause my body is calling for you, calling. I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. I made no promises, I can't do golden rings, but I'll give you everything. Tonight. Magic is in the air, there ain't no science here, so come get your everything. Tonight. Tonight. On est dans une spéciale amour. Ce soir, le ricochet n'est qu'amour. Sur Énergie. Eh oui les amis, et d'ailleurs on va avoir que des kiffs de ouf. Je vous le dis, on a David qui se prépare, qui va demander en mariage sa meuf. Mais on a aussi Chloé qui a un petit souci. Alors que Sylvain va revenir, ouais. Hein, il m'a dit c'est un petit peu chaud dans l'appart. Donc je règle le souci et j'arrive pas de nouvelles de la prétendante pour l'instant. Ah merde, dis, ah, elle a découvert que Sylvain était recherché, elle sait que c'est faux. Mais pas de nouvelles pour l'instant. David va faire sa demande en mariage dans 2 minutes. Mais Chloé a un petit souci, elle a fait le 0800 70 42 48. Ça va Chloé? Oui, ça va être ça, Rico. Salut, salut le poulet. Salut. Chloé de Sarah, t'as de la chance, Sylvain t'aurait dit qu'il était au camping l'été dernier. C'est ça. Alors, bah, Chloé, qu'est-ce qui se passe? Raconte. Bah, comme t'as dit, je suis la libide de mon père. Ouais. Et bah, je sais pas quoi faire parce qu'en fait du coup bah, il se sert de moi pour pouvoir bah, tromper ma belle-mère tranquille et du coup bah, il lui dit par exemple que bah, il vient chez moi ou tu vois. Ah ouais, ah t'es l'alibi. Bah, c'est pas du tout ça. Ouais, on a tous eu cet alibi-là. Moi, mon alibi préféré, c'est la SNCF, quoi. Je vous le dis, pour pas aller à l'école, ils sont toujours en retard. Mais c'est vrai qu'on a toujours des alibis. Et c'est quand vrai. On se retrouve au cœur d'un alibi, c'est compliqué quand c'est les autres. Ah là là, c'est horrible. Moi, c'est mon marmot, mon alibi. Mais par contre, pendant des années, ça a été ma chienne, l'alibi. C'est pas vrai. Je te jure, je faisais mine de la sortir. En fait, j'allais voir mon mec. Ah ouais, mais moi, le défaut dans ça, c'est que ton marmot, je peux plus le piffrer. Mais c'est vrai, chaque fois, c'est de sa faute. Ouais, je peux plus le voir alors que le petit, il a rien à voir. Je peux plus le voir. C'est comme ces mecs qui prennent toujours en prétexte leur gonzesse. Après, on peut plus voir leur gonzesse. Alors qu'on les adore, mais chaque fois c'est une histoire de leur meuf. Je peux c'est pas ça. Sortir, c'est ma meuf. Dis que c'est toi, mais dis pas que c'est ta meuf parce qu'on peut plus la piffrer ta gonzesse. Ah oui. Bah ouais, moi les petits, tu vois, genre j'ai eu une nièce. Ouais, et c'est trop méchant d'avoir une nièce en fait. Elle est plutôt jolie, tu vois, c'est mon bébé. Puis quand elle est majeure. Non, attends. Tu fais quoi? C'est les mamans célibataires. Je rigole, c'est Sylvain qui vient de m'envoyer un texto. Ah, ça va. Mais non, mais quand c'est ton alibi. C'est mon alibi, tu vois. C'est Sylvain. Non, mais quand il y a les mamans célibataires, oh, elle est mignonne et tout. En plus, je lui dis, ouais, c'est je suis séparé de la maman et tout, blablabla. Bla, ouais. Bla. Ah ouais. Ça, tu vois, je peux faire des runs. C'est vrai que ça attendrit les gosses. Ouais. Mais utiliser sa gamine pour tromper la belle-mère, c'est vrai que Chloé, c'est plus compliqué. Mais après, toi, la belle-mère, tu l'aimes bien, Chloé? Bah ouais, elle est sympa. Et puis bah des fois quand je vais manger chez eux, tu vois, j'arrive pas à la regarder en face. Oh, je suis hyper mal à l'aise. Oh là là, c'est chaud ton histoire, c'est vrai. Oh, moi je suis choquée. Mais dis-lui hein. Non mais vraiment dis-lui tout de suite. Moi je pourrais pas rester comme ça. Hein. À la belle-mère. Ah ben oui. Non, moi je pense qu'il faut dire à ton père. Ouais, moi je pense qu'il faut dire à ton père plutôt. Franchement, moi ça m'a gonflé cette situation. Arrête, sinon je vais balancer. Bah oui, mais la belle-mère, attention, elle peut pas primer sur le papa non plus. C'est compliqué. Déjà entre la mère et le père, tu sais pas quoi faire. Oui. Et bon là, entre la mère et la belle-mère, tu sais que bon, tu raisonnes ton père, mais tu fais pas une galère. Alors ne l'invite plus à manger, c'est horrible. Tu l'envases de toi, tu la mates eyes to eyes. Ouais, après c'est vrai que Sarah vu le père qu'elle a, frérot, hein, vu qu'elle a eu le père volage. Sarah, elle est dans la défense des femmes. Bah oui. Les femmes d'abord. Ben les femmes. D'abord, on perd toute. Non, mais je te jure, toute sa vie, c'est vrai qu'il n'a pas été très fidèle avec ma maman. C'est vrai. Et des fois, c'est vrai que je ne disais rien à ma mère jusqu'à ce que je craque. Oh là là. On l'a déjà suivi alors que j'avais genre 8 ans. Alors, la belle-mère, tu n'aurais pas balancé. Ben ouais. Mais non, mais c'est pas ma mère. Ah bah justement. Donc elle, c'est sa belle-mère. Ah mais si, j'aurais balancé. Bien attends, sûr, j'aurais balancé. Oui, j'aurais balancé. Oh là, de toute façon, t'es une poucave, toi. T'es une poucave. Bah oui. Ouais, Chloé, bah, c'est un petit peu galère. Hein. C'est un petit peu galère ton histoire. Il y a Sylvain qui est en galère, lui, justement. Ça va, mon Sylvain? Ça va, mon Sylvain? Ouais, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? C'est barré. C'est pas vrai? C'est barré. Ah ouais? Elle m'a giflé, c'est barré. Non mais t'es un menteur. Arrête, arrête. Elle m'a giflé. Et l'appart, il est comment? Sans dessus, sans dessous? Ah bah l'appartement, tu te démerdes. Hein. Ah ouais? Moi, je suis locataire. Je ah bah écoute, vas-y, débarque, on t'attend, mon Sylvain. Chloé, à mon avis, moi je suis toi, je raisonne papa, là. Tu raisonnes papa, t'inquiète, ma Chloé, ça va passer, ok? Ouais, tu lui dis quoi? Bah, tu lui dis, papa, arrête de tromper belle maman. Ouais, s'il te plaît. De me prendre pour alibi. Me prendre pour alibi, au pire, sors-moi des histoires. Voilà. Arrête un petit peu avec ces alibis. Moi, je pense, Chloé, une bonne discussion avec papa, tu peux pas vendre ton père à la belle-mère. Non, ça, non. C'est pas beau. Ça, c'est pas ouais, beau. Ouais, bah, je sais pas, ouais, je vais. Bah oui. Bah oui, tu peux pas. Ouais, c'est dur, hein. Ouais, je sais que c'est dur. Ouais. Écoute, discussion avec papa. Ok, ma Chloé? Ouais, ok. Allez, tu nous tiens au jus. On t'embrasse. Bisous, plein de bisous, ma Chloé. Non, bah, quand c'est la mère, c'est compliqué. Mais la belle-mère, on attend un petit peu. Mais hein. Non, c'est pareil. Ça reste une femme, solidarité féminine. T'es fou, toi. C'est beau, ça. Bah, c'est beau, ça. Il a pas le droit de se servir de sa fille. Non. Tiens, les amis, vous allez voir, c'est énorme. Maëlle, elle est ultra jalouse. Hein. Vous allez voir, c'est complètement ouf. Vous allez nous dire quand est-ce que vous avez été victime de jalousie. Ouais. Voilà, moi, j'en suis victime au quotidien. Bon, arrête. Ah, oui. C'est quoi, t'es trop beau. Non, mon anglais. Hey, yeah. Oui, les amis. DJ Snake, taki. Ah, je suis jalouse. Taki.

Oui, c'est ça. En fait, je suis super jalouse. Genre, je regarde tout le temps le téléphone de mon mec. Je suis H24 dessus. Je l'espionne sur les réseaux. Enfin, moi, j'en peux plus. Au bout d'un moment, j'ai toujours l'impression qu'il me cache quelque chose. Et alors que je sais pas. Enfin, j'arrive pas à savoir s'il me cache vraiment quelque chose. Bah, il te cache rien, Maëlle. Enfin, c'est supportable, ça. Quand est-ce que vous avez été victime de jalousie, vous? Oh là là, moi, avec mon ex, un psychopathe, quand il rentrait, s'il te plaît, c'est lui qui sortait en boîte. Hein, mais quand il rentrait de boîte, il regardait sous le lit et il a été toqué chez le voisin. Le mec pensait que je fricotais avec le voisin de 80 balles. Je te jure. Moi, j'aime pas les embrouilles autour de la jalousie. Ah ouais. Par exemple, moi, je vois la mode en ce moment, Maëlle, tu dois le faire, c'est le fast time. T'es que ta meuf, elle te fait un fast time. Elle te fait une vidéo et elle te demande de montrer tout ce qu'il y a autour de toi. Ouais. Tu fais le tour de toi. Tu fais pas ça, Maëlle? Non, c'est la prochaine étape. Quand il est avec du monde, bah oui, je lui demande qui il est, avec qui il est, etc. Mais c'est sinon, chiant, tu fais pas le fast time. Non. T'as c'est galère. Moi, du coup, j'ai imprimé des grandes photos en 4x4. Je me colle à la photo et je fais toujours croire que je suis chez mon pote Alfred. C'est l'enfer, Sylvain. Et tu mets un fond vert derrière. Ah, bah c'est ça. Ouais, sauf que le fond vert avec le téléphone, c'est secret, ça marche pas. Parce que le fond vert en télé, c'est un fond que vous pouvez changer à tout moment. C'est assez technique. Mais ce con, il pense qu'avec un iPhone, vous pouvez le faire. C'est vous dire, hein. Mettez-vous avec lui. Hein. S'il vous trompe, vous le saurez tout de suite. Hein. Mais toi, avec un mec comme Sylvain, Maëlle, qu'est-ce que tu t'emmerdes? Sérieux? Non, mais je sais pas. C'est surtout qu'il a des réactions bizarres. Genre là, tu lui as dit que je passais à la radio ce soir. Il a dit non, j'ai pas envie d'écouter. Nanana. Bah oui, enfin, bah c'est. Bah oui, avec des mecs. Ouais, non, Maëlle, c'est normal parce qu'il sait que tu vas lui parler de toutes les angoisses qu'il te fait, que tu lui fais, pardon. C'est normal, c'est pas agréable, franchement. Moi, ça peut me flinguer. Quand je fais rien de ouf, et qu'on est sur mes pieds, t'as envie à la fin de dire écoute, je vais faire un truc de ouf. Comme ça, au moins, t'auras de quoi manger et de quoi t'énerver. Mais ça, c'est les hommes. Les gars, y a pas de fumée sans feu. L'instinct féminin, vous connaissez. Bon, en fait, si on vous soupçonne, c'est qu'on a soit trouvé quelque chose, même si ça date d'il y a des années, ou soit qu'on. Toi, un détecteur de fumée. Non, mais toi, il y a tout le temps de la fumée. Ça, c'est le prétexte. Le gars, t'as quand même dit une phrase. Ouais, ça nous donne envie de vous tromper. Mais c'est vrai, parce que, écoute, on n'a rien fait de chelou et on est emmerdé pareil. Donc, autant faire le truc de chelou et être emmerdé, puisqu'on a la doublette. Ah, c'est vrai que vous êtes pas jaloux, vous, c'est vrai. Ah, bah écoute, on n'a pas le temps de l'être. Rien à foutre. Bah oui, parce qu'on n'a pas le temps de l'être, Maëlle. Voilà. Ah mais ouais, mais c'est chiant, nous on a besoin de se sentir aimé, on a besoin de se sentir protégé, de sentir qu'on a quelqu'un à côté. Ouais, mais ça passe vous, pas par la jalousie. Rien à carrer. Est-ce que cette jalousie, Maëlle, c'est pas parce que finalement t'as peur de tes consoeurs, des autres filles? Hein, est-ce que c'est parce que tu te connais tellement bien que t'as peur de la voisine? Est-ce que c'est pas sœur? Est-ce que t'as pas peur des autres meufs au fond? Bah si, carrément. Ah, ça y est. On a peur des autres meufs. Bah oui, on a pas confiance. Non, mais c'est vrai que des fois on n'a pas confiance en nous, donc forcément on a un petit peu peur, c'est pour vous montrer notre affection au final. J'ai peut-être pas d'accord. Ah non, moi je suis pas d'accord. En plus, le proverbe préféré des meufs comme ça, c'est il faut se méfier de l'eau qui dort. Mais si elle dort, l'eau laisse-la dormir, on réveille pas, tu vois. Non mais c'est vrai, franchement. Fais la bouillir. Fais la bouillir. La température. Je suis sûre que si on fouille dans chacun de vos portables, on trouve quelque chose. Ah bah oui. Ah bah oui. Donc arrêtez. Le nude de Sylvain. Il envoie à tout le monde. Il fait des partages. Maëlle, détends-toi un petit peu. On va te faire un cadeau. Ça va te détendre. Et lâche-le parce que tu vas le perdre. C'est vrai, je pense qu'il faut, il faut une bonne jalousie. Mollo. Ok, Maëlle. Bah ouais, mais du coup, jaloux comment? Bah, bon, jaloux tranquille. Tu sais ce que tu fais? T'écoutes deux fois Dadju. Tu l'écoutes et puis ça va passer. Non mais moyen, quand, tranquille, tu vois, un peu de jalousie mais pas trop. Des fois quand tu dis putain là c'est peut-être trop, c'est que c'est beaucoup trop. C'est tu vois, avant de te le dire, t'arrêtes. Ok, Maëlle. Ok, pas de soucis. Allez, on te fait un petit cadeau et puis on embrasse ton chéri qui a dû écouter, t'inquiète pas. Non, ça m'étonnerait. T'inquiète pas. Oh non, elle va le saouler. T'as écouté ou pas? Est-ce que tu me mens? Tu me dirais la vérité même sur de la radio? Ça va mal finir. David, on demande en mariage ta meuf, est-ce que t'es prêt? Ouais, je suis prêt, mon Rico, je suis prêt. David, je te fais une dédicace, on s'écoute Ta main de Claudio Capéo. Et j'espère qu'elle va dire oui. Oh merde, David. Croise les doigts. Oh, j'ai un David dans la gorge. Elles sont liées bien souvent et parfois elles sont libres. Elles font des cerfs-volants, elles écrivent des livres. Parfois elles sont ouvertes, parfois elles sont courantes. Y'a des gens qui les ferment et des gens qui les tendent. On les met sur le cœur, on les met dans les poches. Elles construisent des parcs où vont courir les mioches. Si elles servent à sévir parfois autour du monde, on pourrait les unir, ça ferait une ronde. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne. Et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main. Parfois elles sont heureuses, parfois elles sont si seules. Quand elles sont baladeuses, tu les prends dans la gueule. Elles sont nues bien souvent, y'a des gens qui la gantent. On les met à couper, y'a des gens qui les demandent. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la scène, nous tournerons en rond, allez ma peine. Donne-moi ta main, donne-moi ta main, gamin, et nous tournerons en rond, allez ma peine. J'étais perdu, tu sais, comme toi, dans la peine, j'ai attendu que l'on prenne la mienne d'une main tendue. Tu sais, on peut faire des chaînes, et aujourd'hui, c'est moi qui prends la tienne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, et nous ferons une ronde, une chaîne. Donne-moi ta main, gamin, et toi prends la sienne, tourne. Ça y est, David, c'est le grand moment. Il demande en mariage sa meuf. Jusqu'à 23h, le Rico Show explore l'amour sur Énergie. Eh oui, on explore ça et on espère que ça va pas être un échec. David de Saint-Lô, il a décidé de demander en mariage sa nana. Ça fait combien de temps que t'es avec ta meuf, David ? Ça fait 1 an et 9 mois exactement. 1 an et 9 mois, ouh là là, ça va vite ton besoin, mais c'est bon. Ah ouais. Plus ça va vite, plus c'est bon. Ouf. Non mais c'est vrai, ouais. C'est vrai hein Sylvain, ouais, ouais. Pour un mariage, je suis pas sûr. Oh, merde, il va s'engager David là, ouais, ouais. Hein Sarah? Bah oui, me prends pas exemple sur Sylvain, il a 40 piges, il est toujours tout seul. Ah ouais. Donc. Ouais mais attends, tu veux que je t'explique les problèmes après frérot? Ouais, pas ouais, du tout, aucun problème. C'est l'instinct, quand tu le sens, tu te maries, basta. Ok, David à la base, il est venu faire une demande. Ah d'accord, ok. Ne dégoûtez pas le gars du gars, c'est pas son délire. David, t'es très amoureux. Oui, oui, bah, tout à fait. Bah, y a quelqu'un qui compte pour moi. Oh. Bah, t'as bien c'est raison, beau, hein. Mon David. T'as bien raison, David qui habite Saint-Lô. Il va appeler sa chérie. Elle a quel âge ta chérie, David ? Elle a 21 ans. Ah, ouais. Et ah toi, beau. T'as quel âge, David ? 25. D'accord. C'est bien, c'est d'accord. Mûr. Elle a 21 ans. Tu la sens prête, Océane, ou pas ? Ta chérie ? Oui, bah, je la sens bien prête pour s'engager. Elle fait quoi dans la vie, Océane ? Elle est préparatrice en pharmacie. Ah, d'accord. Oui. Ça y est, elle a son job. T'as ton boulot, toi c'est aussi, bien, mon ça. David. Tu fais quoi ? Moi, je suis chauffeur routier. Très bien, on embrasse tous les routiers, les routiers de la night, on les aime très fort. Merci les copains d'être là, je reçois plein de snaps. D'ailleurs, Rico Énergie de vous. Et puis vous commentez et vous savez qu'on est ensemble et que je vous aime très fort, qu'on est une grande famille. Et puis j'embrasse aussi tous ceux qui sont sur les jeux vidéo. Là, je viens de voir que même sur les jeux de vidéo, on peut mettre Énergie en jouant à la console. Tu conduis une voiture et dans la voiture, tu mets Énergie. C'est ouf. Trop bien. On vous embrasse à tous ceux qui nous écoutent en ce moment. David, c'est parti. J'appelle Océane. Comment tu veux que je fasse ? J'introduis le dos, je lui dis qu'on est sur Énergie et que quelqu'un veut lui parler ou tu veux faire tout toi-même ? Oui, tu peux introduire le dos, autant. Écoute, comme ça je suis là pour toi, David. Ah, je peur. Suis ton épaule, je suis ton ami et on va se faire ça ensemble. Ok, mon David ? On croise okay, les doigts. Soucis, moi, je pense que tout va bien se passer. Tu vas voir, on va gérer ça, ok ? Ok, mon David ? Ok, il n'y a pas de souci. Allez, David, c'est le grand moment. Ah, j'appelle Océane. Oh là là, ça va c'est sonner pas. Et tout. Ça sonne. Il n'y a pas un bruit. Coupez-moi les bêtes, coutez-moi ouais. Tout. Je vais l'appeler. On est un peu les témoins. Hein. Et ouais, ce serait beau. Et si elle dit non ? C'est vrai que déjà dit, c'est quoi cette connerie, je raccroche. Ah ouais. Qui êtes-vous, monsieur ? C'est un canular. C'est quoi ce canular ? Ah oui, ce serait bien que ça sonne, surtout. Ouais, ah oui. Elle est loin, elle est déjà partie. Ça va bien se passer. Ça va bien se passer, mon David. Allez, David. Allô ? Allô ? Bonsoir, oui. Océane ? Oui, tout à fait. Océane, je t'appelle parce que je m'appelle Aymeric Bonnery et t'es dans le Rico Show sur Énergie 20h-23h. Wouh ! Océane, si je t'appelle, c'est parce qu'une personne veut te parler, t'es en direct à la radio, toute la France est là pour toi, tout est concentré sur toi, Océane. Océane, d'accord. Je sais que tu t'attendais pas à cet appel, mais on est là pour toi, parce qu'on a une bonne nouvelle. À ton avis, qui veut te parler, Océane ? Est-ce que t'as une idée ? Par logique, je vois que mon chéri. Ah, que ton chéri ? Écoute, ton père est au téléphone. Je rigole, Océane, c'est ton chéri qui est là. Il a quelque d'accord. chose à te dire, je te le passe. Vous êtes en direct dans le Rico Show sur Énergie, 20h-23h. David, c'est ton moment, mec. Bon bah voilà mon chat, j'ai cherché longuement pour parvenir à trouver cette solution et après tout ce qui nous est arrivé, après tous ces bons moments comme les mauvais, tout ce qu'on a passé, je voulais profiter aujourd'hui et j'ai pris mon courage à deux mains avec toute l'équipe du Rico Show pour te demander si tu voulais bien être ma femme. Oh ma océane d'amour. Chialer. C'est très beau. Bah oui. Ouais. David, Océane, c'est magnifique. Elle t'a dit oui. J'espère que vous allez faire plein d'enfants. Ah ouais. Vous allez vivre heureux. Vous allez être amoureux toute votre vie. J'en doute pas. Vous allez être tellement mignons tous les deux. Franchement, Océane, ça va ma chérie? Bah oui, ça va. Je suis choquée. Ah, ça te fait plaisir, oh, bah, Océane. Hein. C'est un beau cadeau de Noël, ça. Ah ouais, ça c'est le plus beau. David, est, franchement, il est formidable. Voilà, David. Ah ouais. C'est adorable ce qu'il a fait là. C'est hyper beau, incroyable. Hein. Belle preuve. Qu'est-ce que t'aimerais lui dire, Océane, à David? Eh ben, que je l'aime si fort que même les mots n'existent pas, que j'ai toujours attendu en fait. C'est beau ça. Et tu es la plus heureuse. C'est beau. En plus, c'est... j'imagine, voilà, je pense à tous les routiers. C'est pas toujours évident, hein, mon David, ouais. Quand on est sur la route. Voilà, qu'on est aux quatre coins de la France et parfois de l'Europe, qu'on bosse. Je sais que c'est pas toujours évident. Et mon David, je te sens ému aussi, mon David. Hein. Effectivement, mon Rico, c'est pas tous les jours facile. Elle supporte ces longues journées sans moi. Elle supporte de me voir partir toute la semaine. Et voilà, je voulais enfin concrétiser notre petit bonheur et faire que nous ne soyons plus qu'un. C'est beau, mon David. En plus, c'est vrai qu'Océane, je pense que ça doit te faire plaisir parce que c'est vrai que quand on a un job, qu'on bouge partout, on a envie de se sentir rattaché à son homme. Oui. Et ça te ferait plaisir de devenir Madame David. Ah oui. Océane, David, vous savez quoi? Je vais vous faire un cadeau. Vous allez choisir. J'ai des consoles, j'ai des enceintes, j'ai des casques, j'ai même un week-end en amoureux que vous pouvez passer ensemble. Vous choisissez ce qui vous fait plaisir parce que je sais que c'est pas toujours évident de trouver aussi un week-end quand on bosse sur la route, etc. Ouais. Donc vous choisissez vraiment ce qui vous fait plaisir. Je vais vous faire un très beau cadeau et puis surtout, vous me tenez au courant pour le mariage. Si je suis dans le coin, je passe. Hein. Avec plaisir, merci beaucoup. Ok, Océane. N'hésitez pas, potard, il va vous massacrer le buffet. Ah, il va vous tuer le buffet. On peut applaudir David et Océane. Quel moment de bonheur. C'est pour magnifique. Ça aussi qu'on fait de la radio, pour être avec vous et pour kiffer les habits. Franchement, hyper touchant. Tiens, on va se faire la battle de séduction. Sylvain contre moi, qui est le plus grand séducteur? Et j'ai une vanne énorme, les amis, je vous le dis. Sylvain, pensiez pouvoir pécho Zao hier. Hein, j'ai notre conversation enregistrée. Franchement, c'est du top. Battle de séduction tout de suite, t'es prêt? Ah, je suis chaud. Trois figures imposées, à 20 max. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. She'll make you curse, but she a blessing. She'll rip your shirt within a second. You'll be coming back for seconds. With your play, you just can't help it. Oh, you on, you be saying no, no, then saying yes, yes, yes, 'cause you're messing with your head. Oh, she's sweet but a psycho, a little bit psycho. At night she's screaming, I'm on my mind. Oh, she's hot but a psycho, so left but she's right though. At night she's screaming, I'm on my mind. Rebel cop gun, kinda crazy, she's poison but tasty. Yeah, people say run, don't walk away. Yeah, she's sweet but a psycho. Il va y avoir aussi la boîte à sextion. Eh oui les amis, ce soir on est qu'amour. Mais là c'est la battle de séduction. Mesdames, planquez-vous face à face. Sylvain le lourdeau. Un petit dîner en chandelle, toi et moi, autour d'une petite plâtrée de tagliatelle saumon. Face à Rico, le gospo. On ira là où le vent nous mène. Vers un petit moment sympa entre nous. C'est la battle de séduction sur Énergie. Eh oui, hier je l'ai laminé. Alors qu'il y aura aussi, il n'y a que l'amour qui compte. On a une demande en mariage, mais on a aussi un couple qui s'est séparé il y a quelques années. Et notre copain du Rico Show a eu un accident très grave. Ah. Il s'est rendu compte que finalement c'était la femme de sa vie. Et il a besoin de nous pour essayer de la récupérer. Est-ce qu'on y arrivera? C'est moins sûr que la demande là entre nos deux copains. Et d'ailleurs, sur le Snap Rico Énergie, j'ai vu tous les copains routiers qui étaient en train de klaxonner. Bravo David, bravo mon David. C'est beau de voir ça et de voir cette entraide. Et puis tous les auditeurs. Évidemment en voiture, à la maison. Je suis sûr que vous étiez super heureux pour notre David d'amour. Battle de séduction, hier je t'ai laminé Sylvain. Round 2 ce soir. Trois figures imposées, on appelle une nana, tu es Enzo, d'accord. Et évidemment Enzo est mignon, il a un salon de coiffure. Mais Enzo va être obligé de faire quoi ça? Alors il va être obligé de faire, vous savez le truc de la soupe aux choux là. D'accord, ça, fois trois pendant cinq secondes. Ensuite il va devoir dire qu'il est encore vierge. Très bien. Voilà. Et il y aura aussi un bruit de chasse d'eau, car le mec a la diarrhée. Apparemment, Enzo, il n'est pas au top, donc on a un son de diarrhée, de chasse d'eau. Très bien, il y a une petite intervention. Et une petite intervention de ma part. Ding dong, ça sonne, ouvre-moi. Bonjour, vous m'avez commandé pour le massage. Ah, très bien, très bien. Alors, ok, on y va, c'est parti. Tu démarres, on va chez qui? On va chez Lynn. 3 minutes pour convaincre et avoir un rendez-vous malgré toutes ces embuscades. Ouais. C'est parti, on y va, on va chez ça Lynn. Ça sonne, première sonnerie. Le chrono, ouais. Va-t-elle se faire désirer? Deuxième sonnerie. Tu nous dis, ça sonne? Ouais, ça sonne, là, c'est la deuxième. On appelle en conférence, hein, parce qu'elles répondent pas en masqué, en fait. Troisième sonnerie. Elle se fait désirer, la Lynn. Hein. Aïe, aïe, aïe. Elle se... Oula. Oula. Oula, Lynn va nous mettre... Oula. Lynn va nous mettre un lapin. Dans la messagerie vocale. Oh là là, ah, ça y est. Allez, allez, Sarah. Elle nous a mis un lapin. Vas-y, en qui? Deuxième. Zéro. C'est qui? Oula. Oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula, oula. Répondeur direct. Ah, attends, j'ai raccroché. Oh là là, ça. Ah, faut qu'elle me rappelle, Steph. Prépare-nous de la meuf là. Oui, bah excuse-moi, elle a dit qu'elle répondait là. Oh, c'est pas possible. Elle m'appelle. Ouais, faut que Steph me rappelle tout de suite. Vas-y. La standardiste. Je vais la rappeler tout de suite. Lynn me rappelle. C'est Vas-y. Parti. C'est bon. Oh là là. Attends. Oui, bah excuse-moi, c'est tout une logistique. Elle aurait appelé en masqué, elle aurait décroché, Sarah. Non, non, non, jamais. C'est sûr. Allez, on y va. Est-ce que Steph peut m'appeler? C'est bon. Vas-y, on y va. Oui, bah, c'est parti. Bah, pour l'instant, ça ne sonne pas. Oh là là. Ça va arriver, ça va arriver. C'est même peu de temps. Oh la championne, Sarah. T'es vraiment. Mais arrête, mais vous êtes sérieux? J'ai bossé dessus pendant une semaine. T'es sérieux, toi? On a levé un lièvre. On a soulevé un lièvre. Ah ouais, ça bosse. Je vais plus le faire, votre Tinder. Calme-toi, la levrette. Vas-y, ça sonne. Saoulé. Ça sonne, première sonnerie. Ouais, Lynn. Allô? Oui, Lynn. C'est Lynn. Ah ben bah ouais, bah je sais pas, moi tu m'avais dit... Ah d'accord, ah ben bah je me trompais, bah c'est Enzo à l'appareil. Ça va? Ça va et toi? T'es en forme? Ouais, ça va. Oh là, je te sens pas en forme, t'as froid. Comment ça? Hein? Ah je sais pas, je te sens chafouin un petit peu là. Hein? Non, pas du tout. Ah, oh là, je te sens pas solaire. Hein. Oh là. Ça, c'est l'hiver, hein, je connais. Ou la petite liste du Père Noël, il est pas bon. Tellement. Non, mais. Hein? Non? Qu'est-ce que t'as prévu pour Noël? T'as fait ta petite liste? Non. Non? Non, c'est moi ton cadeau de Noël, c'est pour ça. Ah ouais? Hein? Non? Ah ouais? Ah, c'est mon rire, désolé, j'ai un rire un peu chelou. Non? Non, désolé. Bah, qu'est-ce que tu racontes? Bah, rien, je suis là. Hein. T'es posé, comme on dit? Dans la street? C'est ici? Non, abuse pas. Ah, c'est gueule. Ah, moi, je suis. Là, j'arrête pas, là. Là, je suis dans le salon, là, laisse tomber, là. J'ai pas arrêté d'avoir des clients. Oh là là. Tu sais, je fais la coupe du Père Noël en ce moment. Tu la connais? Ah bon? Ouais, là, ils adorent ça. C'est-à-dire, je teins la barbe en blanc et ça fait fureur. Franchement, ça cartonne de ouf. Si d'ailleurs ça, t'as des potes qui viennent, hein. Franchement, je leur fais un petit prix. Allô, allô, allô, allô, la Terre. Ici, ici la NASA. Carrément. Bah non, je sais pas, tu parles pas. Je te saoule ou bah, tu me dis. Ah bah non, bah je sais pas. En tout cas, moi ça me fait plaisir de t'entendre. Je suis pas comme toi, on dirait. Hein? Ah, ça y est, un petit sourire. Hein? Bah tu fais quoi ce soir? T'as l'air de te faire chier. Non, je vais dormir. T'as l'air de te faire chier beaucoup. Non? Non, je vais dormir. Ah, tu vas dormir? Ah ouais, je le sens, ouais. Je sens que t'es très fatigué. Faut que tu dormes, hein. Oui, très. Faut que tu dormes beaucoup, hein. Hein? On se voit quand? On se voit de... Souken, t'es là, Souken, ou pas? Bah oui. Ah, là, ça me fait plaisir. On se boit un petit café ou pas? Un chocolat chaud, c'est Noël. Allez, c'est Noël, okay. On se boit un chocolat chaud. Hein? Avec de la chantilly partout. Ok. Ok? Ok, ça marche, on se fait ça. D'accord? Vas-y. Eh, dors un peu par contre. Hein. Je te veux en forme pour ce week-end. Hein. Oh là là! Oh là là! Il l'a eu! Mais qu'est-ce ramé. Que là? Elle a ramé! Mais ramé. Il a eu le rendez-vous! Oh. Bravo! Avec quelques figures imposées. Oh, elle était relou. Allez, je vais te mettre une branlée, je vais te montrer ce que c'est. Le grand patron. Et moi, t'inquiète pas, ça va déféquer de partout. Ah. Ça va rigoler. Et moi, je vais pécho Drake. Trap, money, Benny. This shit got me in my feelings. Gotta be real with it. Yep. Kiki, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. KB, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you and I need you. And I'm down for you always. But the new me is really still the real me. I swear you gotta feel me before they try and kill me. They gotta make some choices. They running out of options. Cause I've been going off and they don't know when it's stopping. And when you get to top and I see that you've been learning. And when I take you shopping, you spend it like you earned it. And when you popped off on your ex, he deserved it. I thought you would've won from the jump that confirmed it. Trap money, Benny. Hey. I buy you champagne, but you love some Henny. From the block like you Jenny. Hey. I know you special, girl, cause I know too many. Risha, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. JT, do you love me? Are you riding? Say you never ever leave from beside me. Cause I want you, and I need you. And I'm down for you always. Bad bitches and we kissing in a way, kissing, kissing in a way, kissing, kissing in a way. I need that black card in the code to the safe, code to the safe, code, code to the safe, safe. I show 'em how to network, for that Netflix and chill. What's your network? Cause I want you and I need you and I'm down for you always. And I'm down for you always. And I'm down for you, down for you, down for you always. C'est parti, battle de séduction, le retour. Sylvain était très mauvais. Moi je dis Sylvain va encore se prendre une raclée. On dirait qu'il imite un clown Sylvain, mais qu'il pas qu'il séduit, nous dit David. Et Elodie, moi j'appelle ça plutôt un vent. Pas très enthousiaste, la prétendante de Sylvain, nous dit aussi Elisabeth. C'est parti, j'appelle, figure imposée, la soupe au chou. Pendant 5 secondes durant l'appel, x3. La masseuse russe qui va débarquer. Oui, bonjour, vous m'avez commandé, monsieur. Très bien, et le bruit de la chasse d'eau qui est là, évidemment, pour nous régaler. Hein, chasse d'eau qui est là. Oh, oh là là. Ah, elle est claire, il y a chasse d'eau, il y a tout. Il y a tout, la totale. Il y a tout. C'est parti, on y va, Sarah. On va chez qui? Sarah, justement. Très bien. Tu m'en vas? On va voir quelle boîte chauffe. Ça ça sonne. Première sonnerie. Il a fait en 3 minutes, hein, Sylvain? Ouais. Il a eu quand même un kawa. Ouais, j'ai eu un café, donc comme toi. Bravo. Sarah, ça répond où? Allô? Ouais. Ouais, ça va? Tu vas bien? Ça va bien et toi? Écoute, ça va, ça fait plaisir de t'entendre. Bah ouais, c'est bizarre, mais ouais. Ouais, c'est vrai de mettre une voix sur un visage comme ça au début, c'est toujours un peu. Tu fais quoi, toi? Qu'est-ce que tu t'as fait? Non, j'ai entendu. Non, c'est toi ou c'est moi? Ah non, non, c'était... Enfin, je pensais que c'était chez toi. Non, non, moi, je te disais, rien de très intéressant. Je suis devant Burger Quiz, donc tu vois... Oh, bah, l'angoisse. Ah, toi, faut que je te sorte. Toi, faut que je te sorte. Faut que je te sorte, hein. Je suis fatiguée. Tranquille, donc je me suis mis un truc en fond sonore et voilà. Tu sais quoi, ça me file les frissons ton histoire. On commence pas à juger, ok. Oh là là, j'ai une chair de poule. Terrible. C'est pas vrai, t'es sur Burger Quiz. Oh l'angoisse. Oui, bah l'angoisse, j'avais rien de mieux à faire ce soir. Oh là là. Ah bah moi, que j'osais pas te dire que j'étais vierge, bah voilà. Tiens, j'y vais les deux pieds dans le plat là. Je te dis. Ah ouais, là. Hein? Et toi, tu es arrivé chez toi? Ouais, là je suis à la maison, là. J'étais un peu fatigué. Là. Je peux mais tu vas faire quoi alors? Bah, écoute, je vais passer un bon moment, et toi? Tu vas faire quoi? Tu m'entends? Ouais. Un peu mal. Ouais, un peu mal. Ouais, non, je vais passer un bon moment, je vais me faire kiffer, et puis voilà, tu sais, moi ce que j'aime bien, c'est comme je bosse beaucoup la journée, j'aime bien qu'on masse le soir. Donc là, j'ai invité quelqu'un pour me... Tu sais, je fais un petit peu de massage à domicile. Je sais pas si t'aimes bien. T'aimes bien te faire masser? Ça va. En fait, ah ouais, c'est sympa. Non, j'ai cette chance-là, ce petit luxe. Un petit massage d'un quart d'heure. Et puis après, c'est moi qui masse. En fait, c'est un cours de massage. Je suis avec un pote qui arrive aussi. On se fait un petit cours à 4-5. Et puis, on fait massage de 22h30 à 23. C'est génial. T'as un beau programme de prévu. Bah écoute, c'est mieux que Burger Quiz. Arrête de chambrer. Et surtout quand non, je vais te masser, moi. Quand je vais te masser, t'auras les frissons. Oh. Calmons-nous, on n'en est pas là. Non, c'est sûr. Oui, qu'est-ce qu'il y a? Entrez. Bonjour, c'est pour le massage. Ouais, c'est ça, c'est ça. Vous m'avez commandé pour le massage. C'est ça, vous restez là. Très bien. Ouais, donc qu'est-ce que tu fais, toi, ce week-end? J'ai vu grand n'importe quoi cet appel. Pourquoi? Ce week-end, non, pour rien. Ce week-end, je sors, je vois des potes et ouais. Voilà. On peut peut-être se croiser? Se faire un petit truc sympa? On peut peut-être faire ça, ouais. Ouais, ça me ferait plaisir, franchement. Passer un petit moment avec toi et se partager un truc cool. Et puis de sortir de ta détresse de Burger Quiz, surtout. Ça va, c'est un soir. Oh, j'ai senti que t'étais. Pas ma vie ou ma semaine. J'ai senti que t'avais besoin d'aide. Tu vois, si je suis sur ton chemin, c'est alors, pas pour rien. Merci d'être là pour moi. Je serai toujours là pour toi. Ça me fait plaisir d'avoir une épaule sur laquelle me reposer. Ah bah écoute, tu sais, quand tu seras comme un lapin en plein phare, je serai l'épaule sur laquelle tu pourras te reposer, toujours. On m'appelle c'est beau, c'est beau ce que tu dis. C'est beau, c'est beau, ça sort du cœur. Bon, écoute, on essaie de se croiser samedi. Je t'envoie un petit message, on se fait une bouffe, un truc, ok? Allez. Vas-y, on fait ça. Allez, je t'embrasse très fort en tout cas, merci, bisous. Ciao. Est-ce qu'il y a un mot à dire à ça? Attends, c'est commandité ce truc. On continue les amis, on est là dans le Rico Show sur NRJ jusqu'à 23h. Votez, hein, on vous donnera les résultats. Hashtag Rico Show sur NRJ ou sur Snap. RICO NRJ. J'avais une carte. Elle fallait la pêcher. Jette la canne à pêche, vieux loup, les amis. Allez, on va avoir Quentin qui a quelque chose à nous dire. Et la boîte à section est là, les amis. Et croyez-moi, il y a du très très lourd. Par exemple, il y a Julie qui dit: est-ce que vous, les mecs, quand une meuf enchaîne autant que vous, ça vous dégoûte, hein, puisqu'on parle d'amour ce soir? Et puis, il y a Pierre qui dit: les filles, est-ce que comme nous, les mecs, vous kiffez lorsqu'on vous envoie un nude? Bonne question. Non. Allez, trois cafés gourmands. Comment puis-je oublier ce coin de paradis, ce petit bout de terre où vit encore mon père? Comment pourrais-je faire pour me séparer d'elle? Oublier qu'on est frères, belle Corrèze charnelle. Oublier ce matin que tu es parisien, que t'as de l'eau dans le vin, que tu es parti loin. Ce n'était pas ma faute, on joue des fausses notes, on se trompe de chemin et on a du chagrin. On se joue tout un drame, on a des vagues à l'âme. Tu as du mal au cœur, tu as peur du bonheur. Acheter des tableaux et des vaches en photo, c'est tout ce que t'as trouvé pour te la rappeler. Vous me trouvez un peu con, n'aimez pas ma chanson. Vous me croyez bizarre, un peu patriotard. Le fruit de ma réflexion ne touchera personne. Si vos pas ne résonnent jamais dans ma région, c'est pire qu'une religion, au-delà d'une confession. Je l'aime à en mourir, pour le meilleur et pour le pire. Et si je monte au ciel, il y aura peut-être Joël, Guillaume et Jérémy et mon cousin Pidry. Johan sera en voyage dans un autre pays. Allez, fais tes bagages, viens rejoindre tes amis. On veut du Claudie Musette à en perdre la tête. On veut un dernier Chabrol, un petit coup de gnoll, les yeux de nos grands-mères, la voix de nos grands-pères, l'odeur de cette terre. Plus sur les monnaies d'hier, c'est pire qu'un testament. Joli coin de France, enterrez-nous vivants. Bayonne s'il le faut, mais prenez soin avant de remplir notre jabot. La relève est pour toi, notre petit Lucas. On te laisse en héritage, la piste nous on dégage. Le temps nous a gâtés, on en a bien profité. On a des souvenirs en tête, ce soir faisons la fête. Acceptez ma rengaine, elle veut juste dire je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier, j'ai énergie d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. Je t'aime. Soyez sûr, j'en suis fier. J'ai énergie en cathéter d'être avec vous ce soir. J'ai le cœur qui pétille, Mimi sers-nous à boire. On a les yeux qui brillent. C'est la boîte à Sextion. C'est la boîte à Sextion. Eh oui les amis, elle est là, elle est rapide, elle est efficace. On a Julie qui pose une question pour vous les mecs. Si vous avez la réponse, 0800 70 42 48. Elle nous dit, est-ce que vous les mecs, quand une meuf enchaîne autant que vous, les coups, ça vous dégoûte? Sylvain? Là c'est Sextion d'assaut là. Ah oui, d'accord. Apparemment l'assaut est aussi dans ta bouche. Moi je trouve que moi c'est, j'aime bien. T'aimes parce bien. Parce que c'est un petit challenge. Ouais. C'est-à-dire que je me dis, je dois me surpasser pour être le meilleur. D'accord, c'est voilà. Bon ça. Ouais, c'est ouais. La compète qui naît. J'aime. En plus, si t'es dans une relation sérieuse, si la fille elle a fait ce qu'elle avait à faire avant, comme ça elle sera fidèle à toi. Ouais. Arrêtez, hypocrite. Mais vous êtes des sacrés hypocrites. Pourquoi? Vous êtes les rois de je veux que la nana elle ait eu personne avant moi. Arrête de mentir. Arrêtez les machomanes. C'est toi, chaque fois qu'elle s'est mise avec un mec, elle était vierge, soi-disant. Sarah, elle fait partie des meufs qui disent, écoute, je suis vierge. Elle croit qu'elle arrête de faire l'amour pendant 12 mois, elle devient vierge. Ça se referme. Elle se recoue, tu sais. Vous les connaissez pas ces meufs? Tous les 3 matins, elles redeviennent vierges. C'est Sarah. Arrête, vous êtes hypocrite. Vous êtes hypocrite, les gars. Nous, on exagère sur le nombre de conquêtes. Elle diminue, tu sais. Ouais, ça, c'est elle un truc moins, de fou. Négatif. Tiens, on va demander à Thomas qui a fait le 0800 70 42 48 de la haute patate là-bas. Ça va, Thomas? Ouais, salut l'équipe, comment ça va? Alors Thomas de Montbéliard, mon Thomas, raconte-moi un petit peu toi, est-ce que ça te choque une meuf qui a autant de conquêtes que toi? Est-ce que ça te dégoûte ou voilà ou au contraire? Ouais, moi ça me dégoûte. Ah, insensé, ouais, parce que t'en as combien ton actif Thomas? Franchement je vais pas le dire parce qu'on me croirait pas beaucoup. Ouais. Mais voilà, j'en ai eu un certain nombre et ouais, moi ça me dégoûte. Moi, voilà, pour moi, c'est moi qui mets les coups et c'est personne d'autre. Mais par contre, c'est dingue. Quand c'est les mecs, c'est des donjons, mais nous, attention, on peut rien faire en fait. Ça, je suis d'accord. Ouais, Ouais, ben bah, non, mais je comprends, parce que Thomas, peut-être que lui aussi, personnellement, quand il regarde son kiki, il se dégoûte. Ah, parce qu'il se rappelle toutes les chemins qu'il a cartonné. Et là, il se dit, putain, si ma gonzesse, elle s'est tapée autant de chums que je m'en suis tapé, c'est dégueulasse. C'est une introspection, Sarah. Oui, c'est bien ça. Oui, regarde ton kiki, toi, un petit peu mieux. Ah, bah écoute, tranquille, on fait jamais plein. On fait jamais plein de mon kiki, donc tranquille, il n'y a pas de problème. Bon, en tout cas, il était. Il est en hors demande, donc. Ouais, ça va. Non mais il a été sincère Thomas. Voilà, lui ça le dégoûterait, oui, au moins, mais parce que aussi il se dit voilà j'ai fait beaucoup l'amour et c'est vrai que chez moi je l'accepte, c'est un peu comme mes pays, mais ceux des autres non. C'est bon, ça. Finalement c'est une histoire de pays. Reste là mon Toto, on a plein de questions pour vous les mecs et les filles, mais il y a Quentin aussi qui a besoin de nous. Vous le savez, on est dans une spéciale amour. Avant de continuer les questions, on va se poser notamment la question si vous les filles vous aimez les nudes comme nous. Tiens c'est une bonne question. Et il y a une question très particulière sur les mecs et le sexe, notamment c'est Manon qui dit ça. Est-ce que avant de s'absenter, pour être sûr que vous soyez fidèle, vous les mecs, il vaut mieux vous laisser genre sur la béquille pour être omnibulé genre par ta meuf, ou est-ce qu'il vaut mieux en gros faire l'amour pour évacuer un peu vos pulsions? C'est la question. Quentin est là, il a besoin de nous. C'est y a que l'amour qui compte. On va t'aider, mon Quentin. Ça va? Salut Rico. Ouais, salut à tous. Salut mon poulet. Qu'est-ce qui se passe, mon Quentin? Raconte-nous. Alors moi, pour faire court là, j'étais avec une fille pendant 3 ans à peu près. On s'est séparés. J'aimerais vraiment la reconquérir là. D'accord. Parce que d'accord. Ça a été un peu compliqué. Qu'est-ce que t'avais fait? T'avais fait le con, c'est ça, mon Quentin? Raconte. Ouais, exactement, ouais. Ouais, t'avais fait le con et t'as eu une prise de conscience à un moment donné. Qu'est-ce qui t'a fait prendre conscience que cette fille-là, tu l'avais laissée échapper et que c'était pas la bonne? Eh ben écoute, il y a quelques mois de ça, j'ai fait un petit AVC. Oh. Et du coup, ça m'a fait me poser plein de questions. Mmh. Et je me rends compte que c'est elle et personne d'autre, quoi. Voilà, je suis d'elle et voilà, j'ai envie de faire ma vie avec elle, c'est tout. Bien sûr, Quentin. Sauf que vous allez voir, c'est plus compliqué que ça en a l'air, puisque sa chérie, bah, pendant ce temps, elle a fait sa vie. Oh. On va en parler, les amis. Il y a les questions qui arrivent. On continue la boîte à section, mais je vais appeler la copine de Quentin. Est-ce qu'elle va accepter de le revoir après plus de 5 ans d'absence? C'est la question, ça va être énorme. Et puis les amis, Sylvain, je l'ai piégé avec Zao. Et franchement, je suis plié en deux. On se fait ça dans 2 minutes là. La playlist suprême est de retour sur Énergie pour Noël. 50 000 euros à gagner sur Énergie. La playlist suprême Énergie, c'est Angèle, Marshmello, tu comprendras plus. Big Flo et Oli, Marmek et Smack. On a des souvenirs. 3 cafés gourmands. Faisons la fête. Cette playlist sera jouée sur Énergie une seule fois, dans cet ordre précis, aujourd'hui ou avant fin décembre. Soyez attentifs. Dès que vous l'entendez, appelez Énergie 3937 et gagnez la somme folle de 50 000 euros. Vous allez gagner 10 000 euros de cadeaux par jour sur Énergie grâce à Cdiscount. C'est maintenant 6-9, soyez les bienvenus, on va bien démarrer la journée. La semaine prochaine, écoutez Manu dans 6-9 dès 6h sur Énergie. Vous voulez des dizaines de cadeaux pour Noël? Manu et Cdiscount vous les offriront. Oh là là là là! 10 000 euros de cadeaux par jour à gagner la semaine prochaine avec Manu et Cdiscount. Énergie. Music only. She was a bad, bad, nevertheless. Calling it quits now, baby. Que du lourd au programme. Quentin va tenter de retrouver sa meuf. Il était fiancé avec. Et puis un jour une séparation a eu lieu à cause de Quentin. Il va vous le dire. Sauf qu'il a fait un AVC sans séquelles, hein. Dieu merci, ouais, ouais, ouais. Et du coup notre Quentin, il veut retrouver sa douce. Sauf qu'elle, elle a fait sa vie. On va vous expliquer, allez, tout ça. Là on est dans la boîte à sextion. Eh oui les amis, ça tombe, ça fouette, ça tout, hein. Et on a répondu à la première question. Maintenant qui était justement: est-ce que vous aimez qu'on enchaîne les conquêtes comme vous alors qu'on est une nana, messieurs? Sylvain, ça le dérange pas. JM, ça le dérange pas. Thomas dit oh, un peu de calme. Là les amis, on a aussi une question très simple. C'est Pierre qui la pose. Est-ce que les filles vous aimez comme nous les mecs lorsqu'on vous envoie des nudes? Alors franchement et sincèrement, pour ma part, pas du tout. Moi ça me dégoûte. Ça fait le mec égocentrique. Pour moi c'est un truc de nana, c'est envoyer un nude. C'est plus joli une nana qui envoie un petit peu son corps nu, etc., qu'un mec qui tape la pose. Donc ton mec qui s'envoie un petit peu nu, pour toi c'est ça t'excite pas? Non, ça m'excite pas. Même s'il est un peu sexy, s'il prend soin de faire une photo bien et tout, je te dis. Mais non, ça fait trop sexy, laisser ça aux meufs en fait. Ça te choque pas du tout, Sylvain. Même en vrai, elle le regarde pas, ce mec. Je regarde. Ah ouais, t'es sûr, t'es sûr. Il y a Priscilla qui a fait le 0800 70 42 48. Ça va, Priscilla? Oui, ça va, et toi, Rico? Salut, ma poulette. Alors, raconte-moi, Priscilla, est-ce que toi, tu aimes les nudes? Alors, moi, non, je n'aime pas du tout. Ah ouais? Non. Ah ouais, c'est... Bah oui. C'est pas ton délire, Sylvain. Non, mais après, c'est vrai que quand on en voit une, elles se ressemblent toutes, quoi, j'ai envie de te dire. Ouais. Donc, forcément. Oui, non, pas la tienne ni la mienne. Hein, je te dis. Toi, Priscilla, une photo vraiment comme ça, ça te plaît pas du tout? Non, moi, ça me plaît pas parce que tout simplement, c'est que je n'aime pas me dévoiler. Ah ouais, t'aimes pas te dévoiler. Mais toi, est-ce que si ton mec t'envoie une photo de lui nu, ça te plaît? C'est ça la question. Non, plus, t'es pas fan du dos. Non, mais Rico, le sexe masculin, c'est dégueulasse. C'est pas beau esthétiquement. Donc, forcément, qui va aimer recevoir une photo de Zizi? Y a aucune nana qui aime ça. Attends, on va demander à Amandine de Vienne, là. Ça va, Amandine? Ça va très bien. Salut. Est-ce que t'aimes les nudes, Amandine? Dans la baraque, Amandine. Dans la baraque, ça va très bien. Bah écoute, moi personnellement, j'aime bien de temps en temps, avec mon compagnon, envoyer des petites photocopies. Ouais, oui, elle envoie. Ouais, Sylvain, t'as déjà envoyé beaucoup de nudes aux nanas? Ah ouais, bien sûr, mais c'est bien pour se chauffer un petit peu, tu vois. Ouais. Mais si, c'est le préchauffage, tu vois. D'accord. Le thermostat. C'est un four. Le thermostat, tu le mets à 250 et voilà. Amandine, ton chéri t'envoie des photos de lui nu de temps en temps, ça te plaît? Bah oui, regarde, il y a quelques semaines, j'étais partie en vacances dans ma famille, on était un petit peu éloignés, voilà, on s'est chauffé par textos, etc., pas juste une photo. Vous avez déjà vu des nanas acheter des magazines, des revues porno en fait, et se palucher devant des justement, les amis, question suivante, elle est encore pour vous les filles. À quoi pensez-vous réellement quand vous faites un autoplaisir, hein? Vous êtes compris, quand vous mettez la main au panier, vous pensez à quoi? À quelque chose de plutôt romantique ou de hard? Toi, Amandine, c'est plutôt hard ou romantique? Bah après, j'aime bien le romantique aussi, je suis un peu des deux. Ah, t'es un peu des deux. Toi, Sarah, voilà. Toi, tu pourrais penser à quelque chose de X, d'un peu hard, ou t'es plutôt dans une idée romantique d'une balade en bateau? Une balade en bateau avec quelque chose qui dégénère. Non, mais pour Toto, faire kiffer. Un petit film, tu sais, à la Titanic, etc. Là, je suis avec Jack dans la voiture, il y a de la buée, tout ça, un petit scénario. Ça fait plus kiffer que quelque chose de plus hard. Ouais, grave. C'est vrai, alors qu'Amandine, toi, des fois, c'est pas ton délire. Perso, là, tu vois, t'as parlé de Titanic, c'est pas quoi, moi, c'est plus Dirty Dancing, tu vois. C'est plutôt romantique. Tu penses pas au dernier Clara Morgan, quoi. Non, c'est vrai que je l'ai pas vu, donc. Non, mais voilà, façon de parler, quoi. Clara, ça fait longtemps qu'elle en fait plus. Ok, Amandine, il y a Cindy aussi qui veut nous dire ça. Ça va, Cindy? Ouais, salut le Rico Show. Salut ma poulette, merci d'avoir fait le 0800 70 42 48. Toi, quand tu te fais un petit kiff personnel, t'es plutôt romantique ou plutôt hard? quand tu penses. Ouais, c'est hard, c'est de lâcher tôt. Je suis seule avec moi-même, donc j'ai personne qui me juge. Ouais. Donc forcément, je vais au bout de tous mes fantasmes et les genres de trucs que je parle pas à mon mec. D'accord. C'est hard. Ça peut ressembler un petit peu à ce qu'un homme peut cogiter, Sylvain. Donc tu les réalises pas avec ton mec alors. Je sais pas si tu lis, Rico, mais moi je dis merci, Christian. Parce que les 50 nuances de grès, franchement, ça m'a donné pas mal d'idées. Ah ouais, je me fais un petit peu des scènes. Ouais, c'est des pas un modèle, hein. Faut arrêter. Hein. Ouais, c'est Sylvain le modèle. Mais c'est une fiction ce truc là. Oh, calme-toi. Avec ça. Rabat-joie. Lui, il est vénère parce qu'il en compète avec un film. C'est vrai. C'est une gagnance de potard, il va vouloir faire. Il va se détendre celui-là. Paradise Offenbach. I see you walking with a hippie dance. Your neon skirt pants are turning ugly into Neverland. Yeah, you're smiling and taking my baseball cap. Boîte à section derrière, on se fera Zao et Sylvain, et il y a surtout Quentin qui veut renouer les contacts avec sa nana. On est là jusqu'à 23h. Jusqu'à 23h, le Rico Show explore l'amour sur Énergie. Et oui, et d'ailleurs, dernière question dans la boîte à section. Eh oui les amis, ça tombe, hein, c'est chaud. C'est la question suivante, j'embrasse toutes les filles qui sont passées nous voir très très fort les amis. Merci les copines d'être passées, ça se bouscule dans le Rico Show. On va les prendre en antenne, on leur fait un cadeau là à toutes, on les embrasse très très fort. Les amis, on a cette dernière question qui nous dit: est-ce qu'il vaut mieux laisser son mec sur la béquille quand on va s'absenter, ou au contraire faire le câlin pour calmer ses pulsions? JM. Excuse-moi, je réponds à la place des filles. Mais il faut calmer ses pulsions, sinon il va partir dans le mauvais chemin. C'est la question, question d'Amandine, justement. Évidemment. Alors, les gars, il faut savoir, les filles, il faut toujours vidanger. C'est la base. Il faut vidanger. C'est comme ça. T'imagines, il part en vacances avec ses potes. Mais il faut tout enlever. Il faut tout enlever. Il n'y a plus rien. Faut pas le laisser sur la béquille qu'il ait des ardeurs, Sylvain. Ouais, mais ça se remplit vite, hein. C'est ça. Alors attends, on va demander à Mehdi qui a fait le 0870-42-48. Ça va, Mehdi? Ouais, salut l'équipe, salut vous voulez. Alors Mehdi, toi, c'est béquille ou vidange? Non, en fait, moi j'ai un avis là-dessus. Si la fille, elle me vidange tout le temps, enfin, je vais en avoir marre. En fait, ouais. Qu'elle se fasse un peu désirée, qu'elle fasse un peu la star, etc. Ouais. Et il y aura toujours cette envie, ce désir envers elle. Sinon c'est bon, sinon je passe à autre chose. On est ravis d'avoir pour la première fois le chéri de Sarah au téléphone. Qui s'appelle Mehdi. Non, je rigole, c'est Mehdi de Champigny-sur-Marne. Et Mehdi, c'est, lui, il préconise la béquille. Il faut savoir faire un savant dosage. Non, mais de temps en temps, la béquille, je te dis ok, mais pas quand tu vas pas l'avoir pendant une semaine. Ouais. Sinon, non, tu vas taper une de tes potes pendant les vacances, je te le dis, moi, c'est sûr. Quand tu vas t'absenter, puis après, il y a les tentations, il y a les soirées, et c'est mieux pour canaliser les énergies. Qu'est-ce que t'en penses, toi, Rico? Moi, je pense que, ouais, il faut canaliser quand même. Il faut soulager. Faut driver, faut soulager. En tout cas, c'est mon avis, mais pas celui de Mehdi, apparemment. Hein, mon Mehdi? Faut être fidèle. Faut qu'elle fasse désirer, faut qu'elle fasse kiffer. Mais d'un côté, faut qu'elle soit un peu sur le recul. Ça, moi, j'aime pas, moi. Ouais. Tout le temps. Enfin, c'est pas un objet. Oui. Une semaine avec tes potes, tu vas l'attendre. Mais oui, une semaine à Cancun. Tu pars pas souvent, toi. Eh, les gars, c'est la vie de Mehdi. C'est la vie de Mehdi, s'il fait l'amour tout le temps, peut-être que des fois il est content aussi de ramener le désir, il est peut-être sur autre chose. C'est il les Mehdi, ils sont fidèles. Ah ouais. J'adore. Surtout, c'est des gros disquetteurs. Mehdi, on te kiffe, on va te faire un cadeau. Merci mon frérot d'être passé. Plein de bisous. Je peux faire une dédicace. Vas-y, Mehdi, vas-y. Ouais, je fais une dédicace au N, au D, au P, au gros sac. Et à tous mes potes du taf. Et t'as oublié le cul, Mehdi. Salut Mehdi, on te kiffe. Alors que Renaud, toi, salut mon petit Renaud, ça va? Salut Rico, toute l'équipe. Salut Renaud, pour toi, il faut calmer les pulsions, c'est instantané. Hein. Obligé, mais ça s'appelle le devoir conjugal. Le devoir conjugal. Non, mais c'est vrai. Oui. C'est vrai, normal, non, mais je suis. Mais ouais, non, mais c'est vrai, c'est devoir, un classique. Attends, y a une punition si on fait pas le devoir, non. Parce que moi. Oui, non, mais complètement. La punition, si on va voir ailleurs. Quoi. Ah, non, d'accord, Renaud. À savoir, Renaud, tu l'entends que c'est chaud de toute façon. À savoir, je le sens. Renaud, de toute façon, Renaud, il a une voix à faire du téléphone rose. Oui, les filles, je vais vous donner une punition. D'ailleurs, Renaud avait une nouvelle pour toi, Sylvain, ta mère est hors forfait. Et en plus, une Renault sans vidange, ça fonctionne pas. Ah bah là, sans règle à Mika. Oh là là, quel bof celui-là. Renault, je t'embrasse, mon Renault. Plein de bisous, mon frérot. On va te faire un petit cadeau. Allez, les amis, on va se faire. Y a que l'amour qui compte. On a des nouvelles là pour justement Quentin et sa nana qu'il tente de retrouver. Voilà maintenant plus de 4 ans qu'ils sont séparés. On en parle vite à Slimane et puis surtout Sylvain, le gros lourdeau. Pensez hier que Zao allait le pécho. J'ai les enregistrements de notre conversation. C'est juste mythique, les amis, mythique. Je ne sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Quand t'es pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Sans un signe, plus rien de nous deux. Je reste digne même si ça fait mal quand t'es pas là. Je sens ta main posée sur la mienne et le son de ta voix qui traîne. Je n'ai plus le goût de rien quand t'es pas là. Je n'ai plus rien à perdre, rien à gagner. Je n'ai plus de peine, plus rien à pleurer. Rien c'est déjà trop, tout me semble faux. Pas là, ça ne compte pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les âmes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui colle. Si tu le veux, prends, je te le donne. Je te le donne. sais pas faire. J'ai beau mentir, tout me ramène à toi. Je ne sais pas faire quand t'es pas là. Je ne sais pas faire. J'ai beau sourire quand on parle de toi. Je ne sais pas. Quand t'es pas là, toi, là où les mots font s'aimer les hommes. Si tu l'entends, ça, je te pardonne. Quand t'es pas là, toi, là où les autres ont le cœur qui cogne. Si tu le veux, prends, je te le donne. Amis, on est là sur Énergie et on parle amour. Rejoignez l'équipe au 0800 70 42 48. L'appel est gratuit. Le Rico Show, c'est votre émission sur Énergie. Eh oui les amis, on se fera, je vous le dis, Zao, Sylvain, ça arrive dans 5 minutes. Quentin, y a que l'amour qui compte. Quentin a quelque chose à nous dire et j'aurai une bonne et une mauvaise nouvelle pour lui. Ah ouais, je vous le dis. Non mais c'est très sérieux. Mon Quentin, t'es toujours là? Oui, toujours là. Oui, merci. Quentin, avec grand plaisir, on s'était dit 22h30 pour réaliser ça ensemble. Ta nana te manque, ton ex. Raconte-nous l'histoire. Vas-y, raconte-nous, Quentin. Ouais, mais en fait, mon ex, on est resté ensemble à peu près 3 ans. On s'était fiancés, on avait prévu de se marier, tout allait super bien, on était heureux. Et puis un jour, une soirée entre potes, un peu arrosée, et voilà, j'ai embrassé une autre nana. Et bien sûr, j'ai voulu être honnête et je lui ai tout raconté. Mmh. Et là, elle n'a pas accepté. On a tout mis en stand-by, le mariage, tout. Et puis, comme elle ne supportait pas, elle m'a quitté, on s'est séparés. C'est ça. Alors, lui, il l'a rencontré en 2012 et elle est partie, tu m'as dit, en 2015, hein, c'est ça? Ouais, c'est ça, ouais. D'accord. Et elle est partie comme ça pour un bisou. Mais est-ce que tu avais fait plus qu'un bisou ou c'était vraiment un bisou dans une soirée, un truc Non, c'était vraiment juste un bisou, quoi. Voilà, ouais. Et c'était une soirée. Ça s'est fait comme ça. Et toi, t'es allé lui dire parce que t'avais confiance. Ouais, c'était avec la langue, nous dit Sylvain. C'est vraiment les questions des meufs avec la langue. Bah combien de temps le temps on était plus au collège quand même, donc mais bon. Bah, c'est un peu chauffé, mais t'as pas fait l'amour. Mais du coup, tu voulais être honnête, hein. Eh ouais, bien sûr, parce que voilà, on était fiancés, on avait prévu de se marier, donc je voulais pas partir sur un mensonge déjà. Et voilà, j'ai voulu jouer l'honnêteté, et puis... Mais bon, après, je la comprends aussi... Bien sûr, vous alliez vous marier, quand même. Et du coup, elle, Quentin, t'es un petit peu au courant, elle a refait sa vie derrière, elle a plus voulu entendre parler de toi, et puis toi, finalement, t'avais fait une croix sur votre relation, c'est ça, mon Quentin? Et moi, je l'avais toujours un petit peu dans la tête, quand même. Bon, j'ai eu des aventures entre-temps et tout, bien que je pensais de temps en temps à elle, et puis, je savais qu'elle avait refait sa vie, qu'elle avait même eu des enfants, donc... voilà, pour moi c'était réglé. Comme je te dis, il y a quelques mois, un petit AVC. Bon, tout va bien maintenant. Rapproche-toi, on t'entend mal quand t'as rapproche-toi du téléphone. Je disais, il y a quelques mois, un petit AVC. Et là, du coup, tu te remets en question, tu te poses plein de questions. Et puis je me suis dit, mais. Oui, pardon. On t'écoute. Ouais, mais je me suis dit, mais c'est elle, quoi. C'est elle que je vais épouser, c'est elle que je veux pour toute la vie. Je vais finir ma vie avec elle et je vais tout faire pour la reconquérir, quoi. Quentin, on s'était donné rendez-vous avec Alexandra, pardon, à 22h30, ta compagne. Le truc, je te le dis clairement, elle a refait sa vie. Elle a des enfants. Ouais. Quentin, s'il revient aussi vers elle, c'est parce que il a grave envie et puis il a fait un AVC. Il se rend compte que sa vie veut la faire avec. Bon, j'ai une bonne nouvelle pour toi, Quentin. Après enquête, t'avais un petit peu raison, puisque t'en étais pas sûr. Mais aujourd'hui, elle est plus avec le père de ses enfants. Ah, deux enfants. Bonne nouvelle. Donc ça, c'est la bonne nouvelle. Ça, c'est la bonne nouvelle, mon Quentin. T'as eu bon vent, c'est vrai. A priori, c'est terminé. Par contre, moi, je lui ai pas dit pourquoi elle était là. Elle pensait venir à Énergie pour un jeu, etc. Elle vient d'envoyer un petit texto à la prod. Là. Elle a dit, je suis désolé. Je peux pas être là ce soir, j'ai un problème avec un de ses enfants. Je sais pas quoi, il est malade, il n'arrive pas à dormir, bref. Et elle demande à remettre à demain. Moi, j'ai pas envie de la mettre en angoisse sur un sujet aussi important, etc. Non. Elle s'attend pas à ce que ce soit toi, elle s'attend pas à ce que t'aies fait un accident. Enfin, tu vois, c'est une histoire de ouf. Elle est en instance de séparation avec son mec. Moi, ce que je te propose, Quentin, c'est qu'on se fasse ça demain. On se fait ça demain aux alentours de 10h. Demain, 22h. On fera plus tôt. On fera ça demain à 22h et on croisera tous les doigts pour toi et on espère qu'elle voudra bien te reparler et qu'elle sera sensible à ce que tu as à lui dire. D'accord, mon Quentin ? Ouais. Mais t'es sûr qu'elle nous a pas cramé ce soir ? Non, t'inquiète pas. Il est stressé, le Quentin. Quentin, t'inquiète. Elle a pas cramé. Elle pense justement participer à un jeu, un petit tirage au sort, etc. S'amuser sur énergie. Elle pense que c'est un truc un peu à la con. Elle pense pas que c'est un truc d'émission. Tu vois, c'est un peu un tirage. Donc voilà. Mais sauf que du coup, elle a pas tout mis en ordre pour passer. Ok, mon Quentin. Ok, ouais, ça marche. Mais t'inquiète pas, elle sera là demain à 22h et on va tout faire pour que vous puissiez repartir ensemble, ok ? Ouais, ben moi aussi je serai là alors. Allez, Quentin. Et dors bien, elle est là, on a eu son contact, tu vas pouvoir lui parler demain, ça va se faire, c'est juste que je pense que c'était pas le bon timing, donc qui est comme ça, tu vas prendre une bâche. Ok ? Ouais, c'est bon. Hein. Ok, mon Quentin ? T'inquiète. Allez, on t'aime fort, je te dis à demain, mon poulet, on se fait ça demain. Je t'embrasse. Ça marche, moi aussi, ouais. Bonne journée, Quentin. Bisous mon Quentin, hyper touchant. Si vous avez vécu la même situation, envoyez des messages sur Snap Rico Energy. On se fait ça demain. Ça va être hyper touchant, les amis. Il y en a un qui est pas touchant du tout. Il s'appelle Sylvain le Tombeur. Il s'est reconnu direct. Il s'est reconnu. Vous le savez, hier on avait Zao qui était là avec nous. C'était un vrai bonheur. Ego, c'est chelou. Bref, on la connaît. C'est une superstar, là, Zao. Bon, elle a passé un petit peu de temps avec Sylvain. Pendant l'émission. Ah oui, pardon. Sauf que Sylvain, il a cru que du coup, il pouvait éventuellement sortir avec. Attendez, franchement, les gars. Ouais. Enfin, mais t'es pas son gars, style du tout, t'as vu son mec, c'est une bombe atomique. Mais alors, mais moi je sais pas, à un moment donné, j'ai senti les petits regards et tout, non ? Et elle voulait être commerciale. Je pense que c'était pas vers toi les regards, gros. C'était pas vers moi non plus, hein, mais. Je crois pas que c'était vers moi. Je crois qu'elle avait juste envie de passer un bon moment. Oui. Donc évidemment, j'ai appelé Sylvain hier et je lui ai posé les bonnes questions. Alors, lorsque je lui ai parlé du fait qu'elle pourrait être intéressée par lui, voici ce qu'il m'a répondu. Hein, écoutez bien. Ouais, j'ai cramé, tu vois. Elle était réceptive à tous mes trucs et tout, tu vois. C'est mon style de meuf, tu vois, j'aime bien. Ah ouais, c'est ma cam de ouf, ça. Ah bah ouais, j'adore. J'espère que c'est une blague. On était à l'étape où il pensait justement que j'étais en train de lui arranger un coup entre lui et Zao. Vous allez voir, ça chauffe, on se met Drake et Bad Bunny sur Energy. On est là jusqu'à 23h, c'est énorme ce que vous allez entendre. Puesta pa' mí, haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar. Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera. Y todos te quieren probar. Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar. Dile que tú eres mía. Hasta mi respirar, contigo veo todo como en espiral. Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar. Tus ojos me concentran como Adelar. Contigo me sube el overall. Te toco y hasta el mundo deja de ir. Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar. Bebé, yo soy tuyo nada más. Dile que conmigo te vas. Que dejen de tirarte. Que a ti nadie va a tocar. Dile que tú eres mía. Que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía, tú misma lo decías, cuando yo te lo hacía. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Yo soy tu Romeo pero no santo, a tu bobo con la for y lo espanto. Muchas me quieren desde que yo canto, pero yo soy tuyo nada más. Que dejen de darte like. Quiero esta noche entera para recordar los tiempos. Allez les amis, on est là jusqu'à 23h. On débrief de l'appel de Sylvain, justement, qui pensait pécho Zao. Sexe, amour, couple, séduction, réconciliation, émotion, ils sont tous là dans le Rico Show. Sur Énergie. Eh oui les amis, vous l'avez découvert, Sylvain justement était très heureux lorsque je lui ai dit Zao pourrait être intéressé par toi. D'ailleurs hier sur sa story, Zao elle a mis une petite vidéo où tu lui fais un petit bisou, Rico, elle vient me faire un petit bisou. Et à un moment donné, il y a quelqu'un qui vient sur la vidéo. Ouais. Un monsieur Potard qui arrive et qui fait « Et moi, j'ai pas droit à un bisou !» Ah ouais, le roi. Oh là là là là. Bah ouais, attends, mais c'est vrai. Il a tenté. Bah justement, je lui dis, Sylvain, t'es allé un petit peu franco avec Madame Zao. Et voici ce qu'il a répondu, c'était magique. Ah ouais, j'étais ouf. Ah ouais, j'ai pas pris de placette, hein. Je suis passé tout droit. Tu sais, comme elle côtoie des rappeurs, des mecs comme ça, faut être cash, je pense. Ouais, j'étais enroulé, moi. Mais c'est quoi ce ringard? Oh, le ringard, comme elle côtoie des rappeurs, mais t'es ringard. Non, mais bon, c'est vrai. Arrête, tu me mets mal à l'aise là. T'aurais dû lui faire un rap, un freestyle. Ah ouais, et là je lui dis frérot, t'as vu la bise que tu lui as tapé à Zao? J'ai senti que t'étais à fond sur elle, quoi, parce que t'es allé, t'as fait un vrai gros bisou. Voici ce qu'il a dit. Ah ouais, j'ai pris la joue, ouais. Bah ouais, j'étais vénère, tout le monde l'embrassait sauf moi. Oh le gamin. Bah ouais, c'est vrai. C'est énorme ce truc. C'est énorme. Et là, évidemment, je l'ai un peu chambré. J'ai dit voilà, bon, Zao, toi, bon, arrête de croire. Arrête de rêver, quoi. Ouais. Bah oui. Puis à un moment donné, ça parlait d'un resto, ça parlait de ça. Et puis il m'a dit ça. Tu crois que j'ai eu un petit message sur Instagram? Tu vois, ouais, je lui dis écoute, merci d'être passé à l'émission, t'étais top. Tu vois. Oh non, fais pas ça, hein. T'as pas fait ça. T'as pas envoyé un message sur Insta. Non. Je l'ai arrêté avant et j'ai dit frérot, c'est une vanne, écoutez ce qu'il m'a dit. Enfoiré, bah, tu te fais marcher depuis tout à l'heure. Ah non, arrête, putain, t'as enregistré. Non, arrête, Rico. Je te mets en 4x4. Zao, elle s'en bat les couilles de ta tête, elle est mariée, ça bouffon. Il est con, celui-là. Il a vraiment cru qu'il pouvait pêcher aux Zao, Sylvain. Non, mais c'est vrai qu'à un moment donné, j'ai vu, tu sais, elle avait fait plusieurs stories sur son Instagram. Ouais. Et j'ai vu qu'à un moment donné, elle avait fait une story, genre, comme quoi elle disait, ouais, j'étais acteur, je sais pas quoi. Ouais, bref. Ouais. Et j'ai vu qu'elle l'avait pas mis en ligne, celle-là. Ah ouais, d'accord. Elle a mis juste là où vous avez fait un bisou, quoi. Ah ouais, d'accord. Ouais. Elle voulait pas te mettre en. En 4x4. Ah ouais. Non, mais c'est fort, Zao, t'as un peu chauffé, hein. Ah hein, bah, non, bah, t'as chauffé toi tout seul de ton côté, quoi. Ça t'a chauffé, quoi. Bah, c'est une belle femme, franchement. Ouais. C'est une belle femme. Elle est jolie. Super voix. Ah, mais comment tu peux croire qu'une femme aussi brillante peut s'intéresser à un neuneu comme toi? Mais qu'est-ce que tu parles, toi? Tu bouffais ses paroles, t'as l'air hier, mais t'étais là. Parce qu'elle est brillante. Tu buvais tout. Parce qu'elle est brillante. Ça n'a pas laissé une miette. Le contraire de toi. C'est fou, t'as cru vraiment qu'il y avait un dos entre elle et toi? Bah, je sais pas, il y avait un petit crunch. Un petit crunch. Un petit crunch. Allez, les amis, vous venez, on se fait la patate chaude. Je vous pose des questions, vous repartez avec un cadeau. Des moyens pour s'inscrire, le Snap R-I-C-O NRJ. Maintenant je vous sélectionne pendant le titre un peu amoureux, shallow, peu d'amour, après ce qu'on vient d'entendre. Et puis vous appelez aussi 0800 70 42 48 les amis, vous venez, c'est gratuit. Et puis le Snap là tout de suite, R-I-C-O NRJ. Et puis le résultat de la battle de séduction arrive. Tell me something girl, are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change. Times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you? I fear myself. I'm a- Allez, c'est la patate chaude. Tout le monde se la refile. Elle, c'est la patate chaude. Et elle peut exploser à tout moment. Eh oui les amis, on dirait la mère de Sylvain, elle est bien présente et c'est parti pour une patate chaude. Pauline a fait le 0870 42 48, ça va Pauline ? Salut l'équipe, salut, salut, salut Pauline. Merci de l'inscription sur le Snap RICO Energy. Allez-y, foncez comme Pauline, venez participer. Pauline, qui pour te représenter ce soir ? Je vais prendre JM s'il te plaît. Yeah. Ça y est, c'est fait. Salut Kevin, salut mon Kevin. Salut Rico, salut l'équipe. Salut. Ça va mon Kevin, merci d'avoir appelé 0870 42 48 pour t'inscrire. Kevin, qui te représente ce soir ? Alors moi je vais choisir Sarah Diblette s'il vous plaît. Ça écoute, fait plaisir, y'a moi. Y'a là la blédarde, écoute, j'espère que tu mets. Eh ben écoute, j'espère que la smoule sera dans le couscous. Olivia de Vichy s'est inscrite sur Snap RICO Energy et elle est là pour la patate chaude. N'hésitez pas à vous inscrire pour demain. Ça va Olivia ? Salut. Salut Olivia de Vichy, écoute, on est en pleine forme. Qui choisis-tu par définition ? Le tombeur. Bah, Sylvain, du coup. Ouais. Du coup, j'aime bien du coup. Alors, attention, il a gagné 3 fois d'affilée. Hein. Grave. Il est bon, c'est parti, top à la patate chaude. Vous avez une minute avant que cette patate n'explose. Vous répondez bon, vous la passez au voisin. Ainsi de suite, top à la patate. Combien de cordes possède le violoncelle, Sarah ? 3. Mauvaise réponse. 4. Quelle préparation culinaire peut être savoyarde ou bourguignonne, Sylvain ? La fondue. Bonne réponse. À quel état européen appartiennent les îles Baléares, JM ? L'Espagne. Combien ? Oui, bonne réponse. Combien font 3 quarts de 100, Sarah ? 30. 3 quarts de 100. 60. 3 quarts de 100. 90. 3 quarts de 100. 3 quarts de 100, donc il y a 100, il y a divisé 50, par 4 et t'en prends 3. 5, 6, 70. 75, oh, merci. Oh. Quelle est la couleur de peau des membres de la famille Simpson, Sarah ? Jaune. Combien fait 1 mètre au carré, pardon, ça, Sylvain ? Un mètre au carré ? Un au carré. Un au carré, ça fait 1. Bonne réponse. Attention, JM, dans quel pays est née Pamela Anderson ? Les États-Unis. Mauvaise réponse, c'est le Canada. Quel prénom est commun aux chanteurs Bieber et Timberlake ? Justin. Bonne réponse. Attention, Sarah, dans quel membre du corps humain se situe l'humérus ? L'utérus ! L'humérus. La jambe ! Non, l'humérus. Mais vas-y, une autre question. C'était le bras, j'avais pas le temps de t'en poser une autre. L'autre, c'était combien y a-t-il de joueurs de tennis sur le terrain lorsqu'on joue en double ? Bah, t'as fait perdre mon poteau du bled. C'est perdu, les amis, c'est perdu. Attention, on va réduire la patate chaude. On va la réduire une minute de patate chaude, c'est la grande finale. Sylvain, JM, est-ce que vous êtes chaud, les gars ? Je suis bouillant. L'OM comme PSG. Tu sais quoi ? On va se garder le temps de patate chaude. Je suis désolé, Kevin. Pardon, Kevin. C'est perdu pour toi. Non, c'est dommage, c'est pas grave. Kevin, je vais quand même te faire un petit cadeau. Je vais te faire un petit cadeau, mais pas le gros cadeau. Ok, mon frérot, je t'embrasse. Ça marche. Ça marche. À bientôt. Ciao. Ciao. Ciao. C'est la grande finale, Pauline contre Olivia. Pauline et Olivia, vous êtes prêtes ? Yes ! Le classique. Pauline, c'est pour JM, Olivia, c'est pour Sylvain. Attention, allez, c'est parti, c'est la patate chaude. Top à la patate. Comment s'appelle l'ami du lapin de Bambi, Sylvain ? L'ami du lapin de Bambi ? Oui. Bambette ? Pampan. Dans la bande dessinée Boule et Bill, quelle est la race de Bill ? Un cocker. Bonne réponse. Dans quel conte de Perrault une citrouille se transforme-t-elle en Cendrillon ? Bonne réponse. Combien y a-t-il de T dans le mot émiettement, Sylvain ? Émiettement, 2. 3. Attention, mon Sylvain, de quel fleuve la Marne est-elle un des principaux affluents ? La Seine. Bonne réponse. Attention, JM, quel est le grade le plus élevé dans la marine nationale ? Pilote. Non, l'amiral. Quel sport appelle-t-on soccer aux États-Unis ? Le foot. Bonne réponse. Avec la Belgique et le Luxembourg, quel pays forme le Benelux, Sylvain ? La Suisse. Le Pays-Bas. Attention, combien l'Île-de-France compte-t-elle de départements ? 5. 8. Quel sirop consommez-vous si vous avez besoin d'un Monaco ? Grenadine. Bonne réponse. Ouais. Comment était la femme chantée par Cookie Dagler en 1984 ? Libérée. Femme libérée. Oui. Dans quelle région française se trouve le Cotentin ? Ah purée, JM a gagné. C'est JM. Yeah, yeah. Ouais. Pauline, c'est gagné pour toi. Ouais. C'est pour toi, Popo. Bravo, bravo, ma Pauline. Franchement, t'as été incroyable en choisissant JM. Je vais dire Popo. Merci. Ouais. Merci à toi. Bravo, bravo en tout cas. Bravo, ma Pauline, c'est gagné pour toi et tu reviens quand tu veux. Et merci pour la joue sur Snap RICO Energy. On t'embrasse, Pauline. Bisous. Vous découvrez tout sur l'émission, hein, sur le Snap, et vous pouvez gagner des jeux. Venez, vous allez voir la tronche de Sarah, de Sylvain, de JM. RICO Energy. Et Olivia aussi, donnez-la moi, je lui fais un petit bisou à Olivia. Olivia, j'ai envie de l'embrasser. Il l'a pris tout de suite. là. Oh, je vais lui faire un petit cadeau, ma Olivia. Rendez-la-nous. Eh oui, rendez-nous, Olivia. Rendez l'argent. À la maison. Olivia, je t'aime, ma chérie. Je t'aime, ouais, je vais te dire. J'espère bien. Bah oui, je suis désolé pour mon Sylvain. On va quand même te faire un petit cadeau, Olivia. Tu vas pas repartir brûlé, d'accord? Prends un Vichy. Va, pas de soucis, merci à vous, l'équipe. Oh là là, prends un Vichy. Parce qu'elle vient de Vichy. Hey, le gars, il a fait perdre Olivia. Dans les autres émissions, les gars lui disent, écoute. Tu ferais mieux que de faire petit, mon gars. Attends, le gars, il a fait perdre. Dans les autres émissions, tu lui dis, hey, salut, bah oui. Olivia, je suis désolé. Tu sais, le gars, c'est plus foot, tu vois. Lui, il dit, hey, Olivia, prends un Vichy. En plus, on a jamais dû lui faire celle-là. Ah ouais. Sûr. Le très bien, elle vient de perdre, elle est pas bien. Oh. Elle a la gorge nouée, il lui dit prends un Vichy. J'en peux plus de lui. T'es, hey, toi, franchement, il faudrait. Hey, faut que t'arrêtes tout. Viens, moi, si tu veux. Ah ouais, bah écoute, je suis à deux doigts de te virer là. Vraiment, j'en peux plus. Après ce que t'as dit sur Zao en plus ce soir. Allez, on te fait un petit cadeau, Olivia, je t'embrasse. Bisous. Ça marche, merci. Bisous, ma Olivia. Bisous. Les amis, demain, on aura une super émission. Pourquoi? On aura normalement le retour de Sarah Magouille. Ah. Sarah, demain, va passer un entretien. Elle va être exécrable comme elle sait le faire. On aura le VTC de la peur de Malik. On aura aussi notre ami Quentin qui va tenter de renouer les liens hein, avec sa chérie. Histoire complètement folle. Ah, voilà. Si vous nous rejoignez, en fait, on fera ça dès demain 20h. Quentin, ce qui se passe, c'est qu'il était avec une meuf de 2012 à 2015. Ils ont eu 3 ans de relation. Ça se passait nickel. Il était heureux. Ils étaient fiancés. Ils allaient se marier. Et puis, il a fait un bisou à une meuf. Et en fait, il y avait tellement de confiance entre eux, entre tous les deux, que, pam! Eh ben, la nana, elle a dit, je me barre. Normal. Voilà, un peu d'ego, de la fierté. Et elle a pas voulu s'asseoir sur cette tromperie. Elle est partie. Elle a fait des enfants derrière. Aujourd'hui, elle est plus avec le père de ses enfants. Mais du coup, notre ami Quentin aimerait refaire surface. Bah oui, surtout qu'il a fait un AVC, il a eu un grave accident. Il a failli perdre la vie et du coup, il a réalisé que c'était la femme de sa vie. La femme de sa vie, problème aujourd'hui, elle a refait sa vie. Quoi. Ouais. Donc ça va être chaud, ce sera demain, on va l'aider, le VTC, tous les kiffs. Merci les copains d'être là, vous savez que je vous aime très fort. Et puis, je réponds à tout le monde sur Snap. Moi, ça, je vous le dis, en fait, pourquoi je donne le Snap, ça me fait du bien, c'est une thérapie. C'est vrai. Parce que le soir, quand je rentre, je dis la vérité, je me fais chier. Non mais c'est vrai, je vous dis, j'arrive pas à dormir. Et quand je vois mes routiers qui m'envoient un petit message, ils me disent ouais Rico, on est sur la route. Quand je vois qu'il y a des gens qui sont insomniaques comme moi et qui me disent Rico, tu sais quoi, on est là, on est avec toi, RICO Energy. Voilà, quand je vous vois m'écrire comme ça, me raconter votre journée, se parler, et ben le soir je me sens moins seul. Ouais. Envoyez-lui des nudes. Non mais non, c'est vrai, c'est pas vrai, parce que je les regarderai que d'un œil. Non mais c'est vrai. Moi je suis trop content qu'on puisse continuer ensemble à s'écrire, à parler. Ouais. RICO Energy, je vous attends. Occuper ma nuit, je mets Michael en fond, tu vois, et je te jure, et je réponds au Snap. C'est ce que je fais. Oh, c'est beau. Et voilà, c'est, j'adore ton c'est programme. Ça. Michael, Snap. T'as une vie de dingue. De dingue. D'ailleurs, n'oubliez pas l'important dans la vie. C'est de faire quand même. Les amis, maintenant c'est Michael. Et voilà. Non, mais non, je sais que je suis en fond, chez Rico. Ah, bah écoute, oui, je me mets Snap, et puis je t'écoute, et puis je réponds, bien. C'est vrai. Vous m'accompagnez jusqu'au bout de la nuit, là. Mais tu fais bien, tout comme nos amis routiers, justement, également. Ouais. Oh, ça va toi? J'ai hâte d'avoir des nouvelles de Jackie. Écoute, très bien. Bon là tout part en couille là au football là, encore. Ah une ouais, fois. Il paraît... Alors attends, ils ont fait quoi à Paris? 1-1 là, ils viennent se oh, à la 95e, il y a Strasbourg qui a mis un but mais malheureusement annulé. Eh ouais, pas... j'avais mis 10 balles sur Strasbourg, putain. Ah ouais. Hors jeu à une cacahuète hein. Mais bon, il y avait Ah, c'est vrai? Putain, et là la cacahuète, il la voit. Là, il la repère. Ah ouais. Elle est repérée là. Ah bah écoute, Et puis voilà, et puis bon, alors Marseille, t'avais mis combien là sur les zéro, je parie plus sur eux, t'es fou quoi, ils me font trop perdre. Bon, c'est fini. Il paraît qu'ils ont perdu à Nantes. C'est ils ont perdu à Nantes, ils gagnaient 2-1 en plus. Nantes, ils ont pas perdu 3-0 il y a quelques jours là à Saint-Etienne. Ouais, c'est ça en plus. Et dimanche, je joue Saint-Etienne, on va se faire éclater. Oh, putain. Mais bon, Saint-Etienne a perdu aussi, donc bon. On verra. Mais c'est dommage, c'était l'occasion pour Paris, pour Marseille de remonter. Grave de ouf, ça fait deux fois là. Tous ceux devant ont perdu, donc qu'est-ce que tu veux. Bon, écoute, on va se consoler avec vous. C'est de rester en Ligue 1, JM. Ouais, on verra. Fais gaffe, c'est le Champions Project, fais pas le con. C'est clair. Putain. Bon, allez, bonne soirée, les amis. Ciao. Puis on écoute de George Ezra maintenant sur Énergie. Allez, 01 40 71 5000, vous nous appelez. Et on démarre l'émission dans 3 minutes après George Ezra sur Énergie. Homegrown alligator, see you later. Gotta hit the road. Gotta hit the road. The sun ain't changing the atmosphere. Architecture unfamiliar. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, way to navigate it. Gotta hit the road, gotta hit the road. A deep sea diving round the clock, bikini bottoms, lager tops. I could get used to this. Time flies by in the yellow and green. Stick around and you'll see what I mean. There's a mountain top that I'm dreaming of. If you need me, you know where I'll be. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone. I'll be riding shotgun underneath the hot sun, feeling like a someone, a someone, a someone. Bonsoir tout le monde, c'est Mickaël, bienvenue sur Énergie. Si vous venez d'arriver, peut-être pour la première fois, on est là tous les soirs. 01 40 71 5000, vous nous appelez, vous passez en live. On est en décembre. Noël arrive. C'est une fête magique. On célèbre l'amour, l'amitié, la joie. Noël, c'est féerique. La joie, la bonne humeur, la famille. Toutes les nuits, ils sont là. Ils sont là. Mickaël, Tof, Polo et Amina. Ils terminent l'année en beauté. La vie est un combat. Une lutte entre le bonheur et le malheur a lieu. Tous les soirs, choisis ton camp. Tu aimes sourire et tu aimes rire. Tu es le bien. Bien. Tu es mauvais et tu te plains. Tu es le mal. Pressé de finir 2018. Une année mouvementée. Beaucoup de rire et d'amusement. Des problèmes et de grands moments. Oh, vous êtes génial. Ça se termine bien. Et heureusement. Sans conflit et calmement. Et pourtant, après avoir subi des problèmes, des changements d'horaire, de grosses galères, des changements de studio, des changements de pays, des galères d'argent, une expulsion, une révélation. L'année se termine. Mickaël et toute la team vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d'année sur Énergie. Twitter, Facebook et Insta. M.I.K.L. officiel. Allez, évidemment, bonsoir à tous. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. 01 40 71 5000, numéro du standard si vous voulez passer en live avec nous. Le 0800 83 103 6, ça c'est si vous êtes de Suisse. Et puis, puis voilà, les réseaux sociaux, Facebook, Twitter et Instagram, avec le Doux Le Grand qui est arrivé déjà sur Twitter. Salut la team, coup de pelle dans la gueule de Tof. Ça faisait longtemps qu'on n'ait plus mis de coup de pelle, dis donc, c'est vrai, c'est ça. Sampaï, salut la team, c'est parti pour l'émission anti-sommeil, qui n'est pas assez longue d'ailleurs. Oh, Sampaï quand même, hein. Charlingals, allez, c'est parti, bonne émission à tous. Encore un gros merci à Mickaël, Tof, Polo et Amina de m'avoir accueilli hier soir dans leur studio avec chaud, hein. Grand plaisir. Merci pour les chocolats d'ailleurs aussi. Hein. C'est-à-dire que là, je pense qu'en termes de problème. Enfin bon. Du sucre. Oui, effectivement, on a eu notre dose en termes de sucre. Polo va bien ? Oui, ça va très bien. En parlant de sucre, Tof est parti chier à part de manger. Oui, bah, comme d'habitude, effectivement. Tu n'as pas vu Tof, Amina, passer devant l'évater J'ai un problème de micro, j'arrive. Ah bah, comme. Bah, oh non, t'entends. Ça fonctionne. C'est un problème de casque, à mon avis. Bon, bah, du coup, on va prendre Corentin qui est avec nous en attendant. Salut Corentin. Salut. À Amiens. Bonsoir. Bonsoir. Comment vas-tu, Corentin ? Qu'est-ce qui t'arrive, Corentin ? Ça va. Bon, bah, bienvenue à toi, Corentin. Alors, 19 ans, t'appelles Damien. Tu vas bien ? T'as passé une bonne journée ? Ouais, ça va, ça va. Ouais, tant mieux, tant mieux, tant mieux. Bon, de quoi on parle dans un instant avec toi, dis-moi ? J'ai besoin de conseils pour annoncer quelque chose à mes parents. Ouh, ça sent mauvais, ça. Annoncer quoi ? Bah, il y a plusieurs possibilités, hein. Soit tu vas annoncer que tu vas être papa, soit que t'es gay, soit que. Qu'est-ce que tu peux encore annoncer Que tu veux changer, tu veux vivre. Tu veux changer de sexe, ouais, c'est vrai. Que t'as écrasé leur voiture, que t'as mis le feu à la baraque. Enfin, tu me diras ça, ils sont chauds. Ouais, non, mais ça, c'est dramatique. Bon, qu'est-ce que tu veux annoncer, Corentin ? Je vais arrêter mes études pour m'engager dans. Ah oui, oui, oui. Et oui, il y avait l'arrêt des études aussi. Je n'y avais pas pensé, c'est vrai. Ah, effectivement, ouais, ouais, ouais, l'arrêt des études. Bon, 19 ans, et tu veux arrêter en quelle année, là ? T'entendais où, dans les études ? En deuxième année de DUT, mais je sais qu'il n'y aurait pas de mon DUT, donc. Mais t'en sais rien. Bah, continue jusqu'à la fin déjà pour voir. Oui. Bah oui, c'est vrai qu'on est au mois de décembre. Pas la moyenne de là en décembre. Mais c'est le premier trimestre là. Oui, c'est ça. Après, il faut encore avancer. Hein. Oh là là bon, là. On va en parler dans un instant, Corentin. En termes d'arrêt des études, je pense que tu as frappé la bonne porte. Nous allons pouvoir t'aider, évidemment. Nous sommes une équipe de professionnels dans le milieu. Donc 01 40 71 5000. Arsène également, qu'on va accueillir dans un instant. Ça va, Arsène? Ça va. Oh là. Oh là là, qu'est-ce qui se passe, Arsène là? Pourquoi t'as l'air déprimé comme ça là? Non, mais c'est juste que j'arrive pas du coup à trouver de copine, du coup j'aimerais bien savoir. Mais c'est pas grave, Arsène, joue avec des Lego, t'as 13 ans, qu'est-ce que vous en... Genre vous jouez au Lego à 13 ans, arrêtez. Oh ben ça dépend, après t'as des Lego, les Lego techniques, tout le bordel là, tu mets 10 ans avant d'arriver à les faire, tellement c'est compliqué. Enfin, mais, bon, non, non, mais après il y a plein de trucs, Arsène. Bon, on va en parler dans un instant. Amina qui va bien? Bah oui, ça va. Bon, c'est quoi ton problème de micro là qui fonctionnait puisqu'on t'entendait? Oui, non, mais enfin, on explique vraiment ça à l'antenne? Non, mais je sais pas, c'est quoi bon, le problème? T'entendais pas? En gros, j'ai un problème sur mon casque parce que je n'avais pas le retour dans le casque et donc j'ai changé le jack parce que le jack était niqué. Et en fait, finalement, le micro d'en face marchait mais pas le casque et j'ai dû inverser et maintenant ça marche. Quel lifesaver quand même. T'as vu ça un peu? C'est un truc de ouf. Bon, la journée fut bonne? Ouais, ça va, ça va, ça va. Bon. J'ai été faire des courses, c'est passionnant. Et j'ai enfin inauguré mon nouveau mixeur. Je me suis fait une espèce de mousse de poivron carotte. Je suis assez fière de moi. Ah ouais, bon, bah on verra combien de temps ça va durer. Surtout, c'est la grande question. Est-ce que tout le monde achète un mixeur pour faire des smoothies? Et puis au final, bah.